maxima compris entre 18 et 23 degrés, un rafraîchissement qui va se poursuivre le week-end. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Du beau temps, du très beau temps encore aujourd'hui et des records comme prévu. Ce mercredi après-midi, jour de congé pour les enfants, vous avez tenté la piscine extérieure. Pas toujours avec succès, nous le constaterons dans un instant. Une filière qui permettait d'inscrire des étrangers en Belgique, démantelée à Mons. Plusieurs perquisitions ont permis d'interpeller une dizaine de personnes. Notre portefeuille a rude épreuve avec des risques de voir les indemnités maladie rabotées à l'avenir. Le risque de voir augmenter en revanche le prix de l'eau. Et en plus de tout ça, nos comptes épargne ne rapportent plus rien. Ils finissent même par nous coûter de l'argent. Ça ne refroidit pas les écureuils que nous sommes. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre que de laisser quelque part? On ne va pas laisser un bas de laine à la maison. Ça ne se fait pas, donc forcément, on est obligé d'avoir des économies. On verra avec Lionel de Neubourg ce qu'on peut faire avec nos économies, justement. Et puis, encore une médaille à Rio. Michel Georges, en équitation, remporte l'argent aux Paralympiques. Ça lui fait donc 3 médailles au compteur. Le journal sur Vivacité, c'est avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Rechercher la fraîcheur, c'est l'un des grands objectifs de cette journée caniculaire. Oui, ce sera l'objectif du 5 à 7 aussi. Exactement. J'ai entendu. Et la piscine extérieure, figurez-vous, avait la cote aujourd'hui. Encore fallait-il qu'elle soit ouverte, parce que les piscines extérieures en Wallonie, c'est un peu comme à la mer du Nord en septembre, on manque de maîtres nageurs. Et puis, certains bassins en plein air ont déjà fermé leurs portes. Reportage Eric Destiné, Anne Poncelet. L'eau est limpide et sans doute bien fraîche, mais au domaine provincial de Ouigimont, près de Liège, aucun baigneur dans le bassin. Les amateurs ont dû rester derrière la grille. Ce matin, je voulais faire plouf avec mon petit-fils, parce qu'il fait très chaud, et je me rends compte que c'est fermé. Le programme est un peu chamboulé. Pas de baigneur donc, et pas de maître nageur non plus. C'est là que réside une partie de l'explication. L'engagement n'était pas prévu au-delà du 31 août. Paul Piret travaille au domaine provincial de Chevetongue. Là aussi, la piscine est fermée. L'idéal, c'est de voir une piscine fonctionner, bien entendu. Mais le problème, c'est qu'il faut la surveiller et qu'il faut un pool de maîtres nageurs relativement important. Ici, pour des conditions optimales de sécurité, auxquelles on ne déroge absolument pas, il faut 5 voire 6 maîtres nageurs et on ne parvient pas à constituer ce pool en dehors des périodes de vacances scolaires. À Chauxfontaine, en revanche, la solution coule de source. À partir de 27 degrés, le toit de la piscine communale est retiré. En 10 minutes, le toit est ouvert, vous pouvez voir la piscine. Tout est à l'extérieur, on a l'impression qu'il y a 2 piscines. On a même des gens qui pensent que nous avons 2 piscines, une extérieure et une intérieure. Les piscines fermées vont sans doute réfléchir pour l'an prochain à plus de flexibilité, histoire d'être en accord avec un soleil qui joue les prolongations. Des perquisitions dans la région de Mons ce matin. 10 perquisitions, notamment au service des étrangers à l'administration communale. Une douzaine de personnes, parmi lesquelles des employés communaux, ont été entendues. Ces personnes sont suspectées d'avoir participé à une filière qui permettait à des personnes venues d'Afrique d'obtenir illégalement des cartes de résidents étrangers en Belgique. Christian Henry est procureur du roi à Mons. Des personnes d'origine africaine promettent à des ressortissants africains de pouvoir accéder au territoire national et réalisent de faux contrats d'emploi, de faux contrats de bail pour obtenir de l'administration la confection de ces fameux CIRE, donc cartes d'identité pour résidents étrangers. Mais il y a quelque part là une participation, une complaisance complice dans le chef de ses employés de l'administration. Des personnes qui obtenaient leur carte de résident n'étaient en effet pas inscrites au registre national belge. On compte déjà donc plusieurs dizaines de dossiers suspects en Hainaut et dans le Brabant wallon. Les auditions sont toujours en cours. L'Assemblée générale se termine chez Caterpillar à Gosselies. On ne sait pas à l'heure actuelle si les travailleurs ont décidé de reprendre le boulot. Cet après-midi, la direction américaine aussi a rencontré les ministres wallons et les ministres fédéraux. Paul Magnette, le ministre président de la région wallonne, a redit son intention de vérifier toutes les procédures et tous les chiffres. Son intention aussi de récupérer le site de Gosselies. Il n'est pas totalement satisfait de cette rencontre. La la direction, dit-il, se cache derrière ses avocats. De nouvelles pertes d'emplois aussi chez Eurostation, filiale de la SNCB. Eurostation s'occupe des travaux dans les gares. La société emploie 172 personnes. Elle annonce un plan de licenciement collectif. 40 emplois sont menacés. Deux mauvaises nouvelles et même trois pour notre portefeuille. Alors on va commencer avec les indemnités de maladie, les indemnités pour congé de paternité ou de maternité. Dorénavant, quand vous serez malade ou en interruption, le calcul de cette indemnité se fera sur base de votre salaire uniquement. On ne tiendra plus compte des primes ou des heures sup. C'est une manière de faire des économies. Le projet doit encore être approuvé, mais il devrait entrer en vigueur dès le mois prochain. Les écolos et le PS sont montés au créneau. Marie-Hélène Ska de la CSC, le syndicat, et lasse de toutes ces mesures gouvernementales. C'est dans la droite ligne d'un certain nombre de mesures que le gouvernement a déjà prises, c'est de considérer que tout coûte toujours trop cher et à un moment donné qu'il ne peut pas y avoir de prise en compte de l'ensemble des revenus des travailleurs. Et donc c'est un des points qui sera important pour le futur. On ne peut pas à un moment donné dire qu'on bloque les salaires et qu'on demande de développer des alternatives via les heures supplémentaires, etc. Et puis, quelques années plus tard, revenir sur le contrat qui a été passé et dire que tout cela ne vaut plus rien, ne compte plus, par exemple, en cas de maladie. Marie-Hélène Ska de la CSC avec Marie-Paul Jeunhomme. L'autre mauvaise nouvelle concerne les Bruxellois. L'eau du robinet va augmenter. En tout cas, ça semble bien parti pour ça. Yvan Mayer, le bourgmestre de Bruxelles-Ville, veut qu'on ouvre le débat. Celui qui est également président de l'intercommunale Vivacois demande une instance indépendante pour fixer le prix de l'eau en région bruxelloise, c'est-à-dire vraisemblablement l'augmenter, Fabrice Girard. Un peu moins de 4 euros par mètre cube d'eau, c'est à Bruxelles que l'on trouve l'eau la moins onéreuse de tout le pays. 10% moins cher qu'à Anvers, 36% qu'à Namur et 42% moins cher qu'à Liège. Une situation intenable aux yeux d'Yvan Mayer, le président de Vivacois, l'une des deux intercommunales en charge de la gestion de l'eau à Bruxelles. Nous devons consentir dans les prochaines années des investissements considérables, notamment pour assainir les égouts. On doit faire 500 km d'égouts dans les 19 communes bruxelloises. Et pour ça, il faut des moyens importants. Pour dégager ces moyens, il n'y aura bientôt plus qu'une seule intercommunale en charge de la gestion de l'eau dans la capitale, au lieu de deux actuellement. Une rationalisation qui va permettre des économies, même s'il faudra sans doute également augmenter le prix de l'eau à moyen terme. Nous ne demandons pas aujourd'hui d'augmentation du prix de l'eau. Je vais être clair, ce n'est pas la demande du secteur. Mais nous disons qu'à terme, il faut que ce soit le régulateur qui fixe le prix de l'eau et non plus une décision politique d'un gouvernement. C'est une denrée qui doit correspondre à sa valeur économique et pas une décision politicienne. Selon Yvan Mayer, Bruxelles, l'actuel régulateur du prix du gaz et de l'électricité à Bruxelles, pourrait tout à fait remplir ce rôle pour l'eau. Le débat est lancée. Reste à voir maintenant comment cette proposition sera accueillie du côté du gouvernement bruxellois et des partis d'opposition. Et la dernière mauvaise nouvelle, elle concerne le prix de l'essence. Il augmente demain, si vous le pouvez. C'est donc aujourd'hui qu'il faut faire le plein. On prend tout de suite la direction de la citadelle de Namur pour le Grand Prix de Wallonie. Oui, parce qu'il arrive en ce moment. Il y avait 198 km entre Beaufailly dans l'entité de Chauxfontaine et Namur. Course sous le cagnard, Samuel Grulois, mais ils arrivent là. Les coureurs. Vous êtes là, Samuel Grulois, vous êtes là avec je nous. Je suis là, effectivement, Manu, dans le dernier kilomètre de cette course, le dernier kilomètre et ce regroupement général au pied de la citadelle de Namur. 7 coureurs avaient pris la poudre d'escampette dans les dernières ascensions, dont Jan Backlands, qui finalement a été repris par le peloton sous l'impulsion de l'équipe Wanty, groupe Gobert de Gaëtan Bill, qui avait été piégé dans la trilogie Lustin, Tiano Pierre, citadelle de Namur. Groupement général et l'attaque il y a quelques instants du français Tony Galopin dans cette ascension vers la citadelle de Namur. La route merveilleuse, elle sera peut-être merveilleuse pour l'ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France. Il avait aussi porté le maillot jaune, on se souvient, du côté d'Oyonnax en Suisse en 2014. Il a quelques dizaines de mètres d'avance sur ce qu'il reste du peloton. Attention au final de cette ascension, c'est une montée très particulière avec d'abord les pavés et puis de nombreux virage, il faut pouvoir vraiment l'aborder dans de bonnes conditions et l'avoir repéré peut-être cette ascension finale. Est-ce le cas de Tony Galopin? Sera-t-il surpris dans les 150 derniers mètres? Il en reste d'ailleurs 150 tout juste pour le coureur de l'équipe Lotto Soudal. Attention, virage à gauche, il y est à moins de 100 mètres de l'arrivée. Tony Galopin qui va maintenant lancer son sprint pour éviter d'être repris par les poursuivants. Un coureur, deux coureurs, va-t-il être débordé? Tony Galopin, il s'impose, mais franchement, il s'impose d'extrême justesse, Tony Galopin, devant Peter Vakoch qui a réalisé un final étourdissant pour vraiment jeter son vélo sur la ligne d'arrivée. Il a tenté de passer sur la gauche. Galopin était attentif, mais il ne fallait pas 10 mètres de plus pour le français de l'Auto Soudal, car il aurait sans doute été battu par le tchèque de l'équipe Etix Quickstep, Peter Vakoch, qui finit donc deuxième, troisième Bonny, quatrième Deun, cinquième Nicolas Hédé, le coureur de l'équipe Cofidis. Victoire française donc sur ce Grand Prix de Wallonie après trois succès belges consécutifs. C'est quand même une équipe belge qui s'impose puisque c'est le coureur de l'équipe Lotto Soudal, l'équipe l'Armada Lotto Soudal, grande favorite aujourd'hui. C'est le coureur Tony Galopin qui s'impose et c'est un beau vainqueur parce que c'est un beau coureur, vainqueur notamment d'une étape sur le Tour de France, je vous le disais, vainqueur aussi du Grand Prix de San Sébastien. Victoire de Tony Galopin. Merci Samuel de nous avoir fait vivre cet événement en direct. On revient à la page sportive juste après ceci. Doit-on vider tout de suite son compte épargne, Manu ? Il y a de quoi se poser la question. Vous avez vu les taux d'intérêt, franchement, avec du 0,1, 0,2% de rendement. Et en plus, il y a l'inflation, le coût de la vie qui augmente. Une inflation de 2%, ce qui fait que 100 euros aujourd'hui ne vaudront pas 100 euros l'an prochain. Bref, le compte épargne vous fait même perdre de l'argent. Et pourtant, Lionel de Neubourg, le Belge, reste plus que jamais un écureuil. Oui, deux chiffres pour vous le prouver. 19 400 000, c'est le nombre de comptes épargne ouverts en Belgique. Et à votre avis, Manu, combien il y a d'argent dessus? Quelques millions, au moins. 265 milliards d'euros, c'est un record. Jamais il n'y a eu autant d'argent sur les comptes épargne. Et tant pis si ça ne rapporte pas. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre que de laisser quelque part? On ne va pas laisser un bas de laine à la maison. Ça ne se fait pas, donc forcément, on est obligé d'avoir des économies. Et bien justement, à Lionel, il n'y a pas d'autre solution pour que l'argent rapporte un peu plus? Si, bien sûr, et même s'ils sont encore minoritaires, de plus en plus d'épargnants changent leur fusil d'épaule et délaissent leur traditionnel compte épargne. Je ne l'alimente plus, j'ai choisi d'autres styles d'épargne comme la branche 23 ou branche 21. J'investis dans l'immobilier aussi. Donc ce sont des placements qui sont quasiment sûrs et certains, qui vont peut-être pas rapporter énormément, mais en tout cas, on est sûr de ne pas les perdre. Immobilier, actions en bourse, après tout dépend de votre profil, si vous avez peur ou pas de prendre des risques. L'important, c'est de ne pas vider tout son compte épargne d'un coup et de tout investir. C'est le conseil d'Olivier Van Nieuwenhuys, il est conseiller en placement chez Belfius. Travailler progressivement pour essayer d'aller chercher effectivement du rendement dans le temps. Donc l'idée n'est pas non plus de passer d'un compte épargne avec sa garantie de capital et tout ce que ça comporte et sa liquidité vers effectivement des actifs qui vont nous engager ou les engager pour de très longues durées. Et si par contre vous avez besoin de votre argent à court terme, eh bien pas de miracle, le compte épargne reste la solution. Et les enfants Lionel, les enfants, les ados qui ont une petite épargne, est-ce qu'il y a des solutions pour eux? Pas tant que ça, déjà parce que les placements à risque sont interdits. Olivier Van Nieuwenhuys. Au nom de l'enfant, on ne peut aujourd'hui pas effectivement partir vers des aspects risqués pour différents points de vue légaux. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire on va composer un portefeuille d'actions pur et dur au nom d'un enfant. Restent alors les traditionnels bons de caisse ou les comptes épargne entre guillemets améliorés qui permettent de faire fructifier un peu plus la dringueille de Nénène. Merci Lionel. À l'étranger, à Paris, un mineur arrêté et mis en prison. L'adolescent s'était proposé pour une action terroriste. Il a été arrêté dans le 20e arrondissement et pourrait avoir des liens avec le commando de femmes démantelé la semaine dernière en France. On revient au sport, au foot d'abord. Le seul club belge en lice en Ligue des Champions entre en scène ce soir. Les Brugeois reçoivent les champions d'Angleterre, Leicester, et dans le groupe ils se retrouveront aussi face à Porto et Copenhague un peu plus tard. Bref, ce n'est pas gagné pour les Brugeois. Le foot européen, lui, a un nouveau patron. Il s'appelle Alexander Čeferin. Il est slovène, il a 48 ans, des yeux bleus, et dirigeait jusqu'ici un cabinet d'avocats à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Lors de sa conférence de presse d'intronisation, il a évoqué les chantiers majeurs, à commencer cette fameuse réforme de la Ligue des Champions qui va privilégier les grands championnats. Either I want it or not, Que je le veuille ou non, je devrais veiller à l'équilibre entre les grands et les petits pays. Ce sera même l'une des premières choses à faire. L'UEFA est une très bonne et très forte organisation. Elle a été sans chef pendant un moment et cela a permis à certains clubs d'augmenter leur influence. Nous devons maintenant montrer que c'est nous et nos 55 associations qui dirigeons. Nous devons aussi avoir un dialogue avec les clubs et les problèmes se résoudront. C'était ma décision d'être candidat à la présidence. C'était le bon moment pour placer un nouveau visage à la tête de l'UEFA. Évidemment, les gens voulaient du neuf et du changement. Cela s'est vu aujourd'hui. Voilà, Čeferin traduit par François Zaleski. Une cinquième médaille aux Jeux paralympiques de Rio pour la Belgique, médaille d'argent. C'est la cavalière Michèle Georges qui vient de la remporter en équitation. Michèle Georges possède déjà 3 médailles paralympiques après ses 2 titres conquis à Londres en 2012. Et puis, on a encore un espoir ce soir de médaille avec Joachim Gérard. Le tennisman limlétois joue la demi-finale ce soir contre le jeune britannique de 18 ans, Alfie Hewitt. Joachim Gérard l'a déjà battu 6 fois. C'est un match à suivre sur la 3 en télé à 18h30. Et maintenant, on va vous conseiller de taper Average Rob sur un moteur de recherche ou d'aller voir sur notre page Facebook, puisqu'il y est. Oui, Average Rob, on le connaît déjà un peu hein, dans le 5 à 7. C'est Robert Van Imp. C'est le roi du photomontage. Il a 24 ans. Il s'accapare les stars du monde entier, en photo en tout cas. Et sur le web, il fait un tabac. Des dizaines de milliers d'internautes se bidonnent avec ses compositions. François Garit l'a rencontré à Overace. Au milieu du salon des Obama, dans l'avion avec les Diables Rouges ou encore assis sur un fauteuil aux côtés d'Hillary Clinton, Average Rob multiplie les photos avec les stars. Tout cela sans sortir de sa chambre d'étudiant. Son truc, c'est le Loltoshop, la création de photos humoristiques grâce à du photomontage. Sa première image a été postée il y a un an. J'essayais de faire des photoshops marrants, j'essayais de me photoshopper dans l'espace ou un truc comme ça pour faire marrer mes copains. Très vite, ces images font le buzz. De nombreux internautes s'intéressent alors à son compte Instagram. Aujourd'hui, plus de 30 000 personnes suivent cette success story belge. Mais pour lui, peu importe le nombre d'abonnés. Même si j'en aurais peut-être 1000 ou si j'en aurais peut-être 500, j'aurais continué parce que c'est vraiment une sorte de passion, de créer en fait des rêves et de les mettre en réalité. À l'avenir, Robert pourrait passer des photomontages à la vidéo, mais pour l'instant, une seule chose l'intéresse, continuer à faire rire les internautes. Je trouve qu'il y a assez de négativité dans le monde pour le moment. Il y a beaucoup d'actes de terreur, des trucs comme ça. Et je crois que d'avoir un truc qui est un peu plus rigolo, parfois, ça peut aider. Voilà, et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, donc son compte Instagram, Average Rob, ou sa page Facebook, ou même la page Facebook de Vivacité. Mais n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il n'a pas encore fait de photo avec vous, Manu. Non, je ne suis sans doute pas assez célèbre. Hein. On va lui demander quand même. D'accord. Merci Manu, à tout à l'heure pour les titres de l'actu. On part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info tout de suite. Pierre Collard-Bovy, comment ça roule à 17h17 hein. Oui, Cyril, avec un ralentissement sur le ring de Bruxelles, en circulation extérieure tout d'abord, entre Woluwe et Saint-Etienne et Diguem. Il y a même des répercussions sur le 40 depuis Sterrebeek. Vous ralentissez également de Strombeek-Bever à Homel vers Grand-Billard, ce qui ferait perdre au total une vingtaine de minutes. Quelques ralentissements également, mais plus modestes en circulation intérieure. Un camion est en panne sur le 42 Liège-Mons à hauteur de Émines. La bande droite est encombrée en direction de Mons. Un objet encombrant une échelle sur le 42 Mons-Liège à hauteur du viaduc de Vieville en direction de Liège. Accident impliquant plusieurs véhicules, 7 au total sur la nationale 4 Namur-Arlon à hauteur de Assès. La chaussée est fermée en direction d'Arlon pour l'instant. Donc un ralentissement sur le 411 Namur-Arlon dû à des travaux, peu avant Neuchâteau. Vous perdez 40 minutes en direction d'Arlon. Un camion est en panne sur le 25 Liège-Neuchâteau à hauteur de Vaux-sur-Sur. Les bandes droites et l'arrêt d'urgence sont neutralisés en direction de Neuchâteau. Des travaux sur le 25 Bastogne-Liège entre Gomzé et Tilf. 20 minutes perdues en direction de Liège. Et puis des travaux à Cherat évidemment sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles en direction de l'Allemagne. Vous perdez toujours plus d'une heure maintenant, pour l'instant en tout cas. Alors sur le 17 Gand-Lille pour passer en France, vous ralentissez à hauteur d'Albeck et vous perdez une vingtaine de minutes. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Sur vandenborg.be, vous verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Et avec vous, vous toutes et vous tous, vous faites de la radio avec moi tous les soirs jusqu'à 19h. On va d'ailleurs accueillir Maxime pour démarrer cette émission. Bonsoir Maxime. Bonsoir Céline. Bienvenue, merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Maxime, on cherche ce soir ensemble des bons plans pour se rafraîchir. On entendait tout à l'heure dans le journal de Manu que les piscines, c'est pas toujours l'endroit idéal parce qu'il y a beaucoup de monde. Vous avez votre endroit à vous quand il fait chaud. Vous allez où Maxime? Mais écoutez, moi j'aurais bien aimé garder l'endroit secret parce que c'est très calme et très sympa. Mais bon, maintenant que je suis à la radio, je vais quand même en parler. Ah bah, allez-y. C'est une terrasse en fait, une terrasse qui est en plein air. Ouais. Et elle se situe le long du canal, donc on a, avec des transats, donc on a vraiment l'impression d'être à la côte. Mais le long du canal, mer, dans quelle ville? Le canal, quoi. À Bruxelles, en face des tours et taxis. Ok, ah bah oui, et donc c'est un endroit où il y a quand même pas mal de monde au cœur, parce qu'on est au centre de Bruxelles là, mais c'est une terrasse tranquille quand même. C'est vraiment tranquille, il n'y a pas beaucoup de circulation et on est bien. Quoi. C'est dans la rue de Bruxelles-les-Bains en fait. Ah ben voilà, le message est passé. On a un premier endroit pour se rafraîchir alors qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Merci Maxime. Venez pas tous maintenant. Hein, parce que vous y allez là. Merci. Exactement, je viens de me garer pour y aller. Eh ben bon apéro Maxime, à bientôt. Merci, on partage les bons plans ensemble. Vous avez un endroit à vous pour vous rafraîchir quand il fait chaud comme aujourd'hui, bah, vous le partagez. 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 via cité RTBF. Tout à l'heure dans l'émission, on parlera des premiers championnats d'Europe de cyclisme. David Bertrand viendra nous voir dans quelques minutes. Il y a Cap 48 qui approche aussi la grande soirée de clôture. Vous savez qu'on a besoin de vous pour récolter un maximum d'argent, pour aider un maximum d'associations. Et Sylvie Honoré, que vous entendez tous les jours dans La Vie du Bon Côté, a quelques projets pour vous. Elle viendra nous en parler tout à l'heure. L'image du jour aussi avec Nicolas Gillard. On s'intéressera à l'enfant requin. C'est un athlète sud-africain qui est en compétition à Rio. Un parcours incroyable. Il viendra nous expliquer tout ça tout à l'heure. Si vous faites du vélo, peut-être du vélo électrique, vous allez être confronté à une nouvelle réglementation qui arrive. C'est que certains vélos électriques vont devoir maintenant porter une plaque d'immatriculation. Il faudra une assurance et il faudra passer un permis. On y revient tout à l'heure dans le 5 à 7. Et puis, j'avais promis hier qu'on démarrait cette émission avec le dossier du papier toilette. On n'a pas eu le temps de finir le... Mais vous rigolez Manu. Hier, vous savez qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Enfin voilà, de donner l'explication. Il y a un brevet qui explique, on a fouillé, il y a un brevet qui explique comment doit être déroulé le papier toilette. Est-ce vers les toilettes ou vers le mur? Si vous n'étiez pas là hier, vous avez raté ce gros débat pendant toute l'émission. On revient sur l'explication qui va avec ce brevet juste après la pause. Michel emmène François faire un tour à bord de sa toute nouvelle Seat Ateca. François n'en croit pas ses yeux. Et ça c'est quoi ça? C'est le chargeur mobile sans fil. Ah, et ce truc là c'est l'écran de la caméra top view. Ah bah oui, oui. Bah oui. Excité par la richesse de l'équipement du Seat Ateca, François n'arrête plus. Et ce bouton il sert à quoi? Bah activer le frein à main électrique. Et celui-là là c'est... Bah ça c'est mon bouton de manchette. Sans ce bouton de manchette. Ah bah bien oui. Sûr évidemment. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Venez fêter les 30 ans du Coyote Superbiker de Métay. Comme chaque année, la plus grande compétition de supermoto au monde réunit plus de 400 pilotes au départ et de nombreuses animations. Le 30e Coyote Superbiker sur le légendaire circuit Jules Tachny à Métay, les 7, 8 et 9 octobre. Prévente superbiker.com. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec l'A2 et Vivacité. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Vive à Bruxelles et la Une présente. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto-métro-vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser mixer, bouger. Je me suis dit Mobile Mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, be Brussels. À découvrir en avant-première chez CGO Center, la nouvelle Seat Ateca. Porte ouverte du 15 au 24 septembre avec des super promos sur tous nos véhicules de stock. CGO Center, avenue Louis de Brouckère, 34-36. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Et en accompagnement, le chef vous propose un émincé de rhizome de soja aux graines germées de navet chilien. Non, merci, je préfère nature. Votre maison aussi, préférez la nature avec Naturhome. Découvrez vous aussi la qualité des maisons et villas en bois Naturhome lors de nos portes ouvertes à Annus le 18 septembre après-midi. Info sur naturhome.be. Naturhome, naturellement exceptionnel. L'Esplanade. Envie de faire de la place intelligemment dans votre dressing? Rendez-vous le 17 septembre de 11h à 19h à l'Esplanade. Action Vite Dressing. Vous apportez 10 kilos de vêtements, repartez avec une gift card L'Esplanade de 10€ et rendez service à des gens qui en ont besoin. L'Esplanade. Le shopping a changé d'air. Plus d'infos sur la page Facebook de l'Esplanade. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. On n'a pas eu le temps hier en finissant l'émission, je vous ai promis qu'aujourd'hui on vous donnerait la réponse. Il y a un brevet qui définit comment il faut dérouler le papier toilette. Guillaume, vous avez recherché ça hier pendant l'émission. Oui, j'ai planché là-dessus. Fin du suspense, il faut remonter en 1891, certain Seth Wheeler, hein, qui est l'inventeur, Cyril, je ne sais pas si vous le saviez, du papier toilette. Et là, sur ce brevet, sur ces images, qu'est-ce que on peut voir? Vous savez ce qu'on peut voir? Bah, il y a un sens. Il y a un sens, et c'est le sens des toilettes. Pas vers le mur, mais vers les toilettes, et on peut le voir sur tous les schémas du brevet. Du coup, fin du grand suspense de l'émission d'hier. Ça y est, c'est officiel. Donc on peut vraiment retourner tous les papiers partout, voilà, s'ils sont chez pas les dans invités, le bon sens. Au travail, partout. Alors ça pourrait paraître bizarre de papier toilette, mais aujourd'hui, figurez-vous que les toilettes sont dans l'actu, Dominique. Lire ça dans les journaux du groupe Sud Presse, un dossier sur les toilettes publiques, parce que les toilettes publiques, ça ne vous a pas échappé, c'est comme les cabines téléphoniques, il n'y en a plus beaucoup en Wallonie. C'est vrai. Alors le Parlement wallon vient d'approuver une résolution qui demande aux élus locaux de placer des WC publics gratuits et propres, surtout, dans leur commune. En résumé, c'est à l'initiative de plusieurs députés wallons qui se sont dit, il faudrait des toilettes publiques sur les places de Wallonie, parce que aller à la toilette, c'est un besoin primaire. Ah ben oui. Et puis ça peut aussi freiner un petit peu le tourisme local s'il n'y a pas moyen d'aller à la toilette quand on va à une festivité, par exemple. Donc, conclusion, avec l'adoption de cette résolution, les députés demandent clairement aux communes de prévoir des accès permanents à des toilettes publiques propres, évidemment. Ils doivent en assurer l'entretien et aussi la sécurité. On ne sait, ceci dit, pas encore quand cette résolution va être en phase d'application, mais on a bon espoir. Bon, on suivra le dossier, en tout cas. Alors, quand il n'y a pas de toilettes publiques, on a tendance à aller chez les restaurateurs, dans les restaurants, dans des bars. Thierry Neyens, vous êtes président d'Oreca Wallonie. Bonsoir Thierry. Bonsoir aux auditeurs et auditrices. On vient souvent chez vous, alors chez vous et chez d'autres, quand il n'y a pas de toilette publique. C'est un problème pour l'Oreca, ça? Alors d'abord, les toilettes, on les entretient, on est responsable. Ce sont nos toilettes, c'est une vitrine quelque part de l'établissement. Les toilettes sont à disposition, on va dire, d'abord en priorité pour les clients, pour les consommateurs. Alors c'est vrai qu'il y a des raisons médicales, il peut y avoir aussi d'autres exceptions. Maintenant, il ne faut pas non plus que le secteur Oreca, que les cafés, donc soient un peu la vache à lait, parce que il n'y a pas d'alternative, parce que des toilettes ne sont pas, on va dire, propres ou inexistantes au niveau d'un service public, par exemple. Et vous pouvez refuser des gens? Ben, on a une responsabilité au niveau de l'entretien, c'est-à-dire de savoir ce qui s'y passe, entre guillemets. Donc on peut refuser effectivement. Maintenant, généralement, une personne qui n'est pas cliente et qui a un besoin urgent demandera très souvent, fréquemment, s'il peut utiliser les toilettes. Et là, on fait quoi? On laisse une petite pièce, on prend une petite consommation? Ben, voilà, l'idéal c'est quand même de respecter certaines règles. Il y a quand même des coûts, des charges qui sont prises en compte par le secteur, par chaque établissement tenancier. Donc si tout le monde commençait à faire, on va dire, cette demande d'utiliser gratuitement les toilettes dans les établissements, je pense qu'on serait vraiment dans un modèle un peu extrême et en pleine dérive. Bon, ben alors c'est une bonne nouvelle pour vous, cette proposition. On verra quand ce sera appliqué. Merci beaucoup, Thierry Neyens. Merci. Bonne soirée, il est 17h28, petite pause et la suite du 5 à 7, c'est juste après. Viva Bruxelles est là de présente Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. La 2, en télé. Je sais pas ce que t'as en tête, mais moi je peux pas te faire sortir de prison. Tous les établissements ne sont pas connectés. Et même si c'était le cas, il faudrait des semaines pour trouver une faille dans la sécurité. Non, c'est pour ce soir. Mister Robot. De nouveaux épisodes. Ce mercredi, sur la 2. Ce samedi et ce lundi chez Brico, tout est à moins 15% avec la carte de fidélité Mon Brico. Moins 15% avec la carte Mon Brico. Demandez-la en magasin, elle est gratuite. Pour les makers, Brico. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaires exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4000 euros d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Pourquoi il faut toujours être sage? Je suis nul en classe. Je n'ai pas d'amis. J'ai peur de la récré. Je comprends pas ce qui se passe avec mes parents. Y'a personne qui m'aime. Je peux jamais rien faire. J'arrive pas à rester tranquille. Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire. Explorez le webdoc sur iapaca.be. Avec le soutien de la région Wallonne et de la COCOF. Win for Life, c'est 2000 euros par mois à vie. De quoi partir si souvent à Marbella que tu en oublierais parfois que tu es juste en Belgique. Bonjour monsieur. Hola señor. Alors, cuatro pistoleros y dos gozetas con pomas, por favor. Mais vous pouvez parler en français monsieur, hein, pas de problème. Alors ça, pour un hasard, c'est un hasard. Faut que je tombe sur un boulanger belge à la Costa del Sol. Ça fait longtemps que vous êtes installé ici. Joue à Win for Life dans ton point de vente, online ou sur mobile. Win for Life, du fun for life. Vivacité. 17h30, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. Avec l'actu aujourd'hui, pas mal sportive. La victoire du Français Tony Galopin au Grand Prix de Wallonie, arrivé en direct. D'ailleurs, vous l'avez entendu dans le journal de 17h, c'était serré sur la ligne d'arrivée à la citadelle de Namur. Une nouvelle médaille aussi aux Jeux Paralympiques de Rio en équitation, Michel Georges en dressage. La Nuire avait déjà obtenu deux médailles à Londres il y a 4 ans. Et on compte encore on espère encore une médaille ce soir pour Joachim Gérard dans une heure sur le court de tennis à Rio. Du foot aussi ce soir en radio avec la Ligue des Champions et le match Bruges-Leicester. Pour le reste, l'actu tourne encore aujourd'hui autour de Caterpillar. La direction américaine a rencontré les autorités politiques belges sans grand résultat. Les travailleurs aussi se sont réunis en assemblée générale. Et puis à 18h, on vous dit tout aussi sur les premiers tests de voitures en ligne sans chauffeur. Ça c'est intéressant, on sera là. Tout le reste aussi, mais... Il y a déjà eu les poids lourds, maintenant c'est les voitures. 100 personnes à l'intérieur, on verra ça. Merci beaucoup Manu. Prochain point sur l'actu donc à 18h. La météo c'est tout de suite avec Dominique. Et c'est 24 à 30 degrés que nous aurons demain. On va, entre autres, à part cette température, surveiller une zone de pluie et d'orage qui va remonter de la France, qui pourrait nous atteindre fin d'après-midi ou en soirée et se prolonger dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi justement, on va changer de masse d'air. On aura alors une alternance d'éclaircies et de quelques averses et les maxima seront compris entre 18 et 23 degrés, un rafraîchissement qui va se poursuivre le week-end prochain. On va revenir à des valeurs normales pour la saison entre 15 et 21 degrés. Merci Dominique. On part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info. Il est 17h33. Est-ce que vous allez perdre du temps pour rentrer chez vous? On va le savoir tout de suite grâce à Pierre Collard-Bovy. Mais effectivement, il y a pas mal de petits soucis et de gros soucis même par endroit. Un accident impliquant deux camions sur le 19 Bruxelles-Valenciennes à hauteur de Nîmes-Mézières. Les bandes de droite et d'arrêt d'urgence sont neutralisées. Il y a déjà maintenant 4 km de file en direction de Valenciennes sur le 42 Liège-Mons. C'est un camion en panne entre les kilomètres 50 et 51 à hauteur des mines, c'est en direction de Mons. C'est toujours sur le 42 Mons-Liège à hauteur du viaduc de Vieville. Là, c'est une échelle qui pourrait vous gêner en direction de Liège. Un accident impliquant plusieurs véhicules sur la Nationale 4 Namur-Arlon à hauteur de Assès. La chaussée est carrément fermée à la circulation pour le moment en direction d'Arlon. Locales sont mises en place, on l'imagine, en tout cas on l'espère. Des travaux sur le 411 Namur-Arlon peu avant Neuchâtel, file à partir de Libremont, vous perdez 30 à 35 minutes en direction d'Arlon. Un camion en panne sur le 25 Liège-Neuchâtel à hauteur de Vaux-sur-Sûre, soyez prudents, attentifs. Sur le 25 Bastogne-Liège, sur les travaux qui vous ralentissent, si vous perdez une vingtaine de minutes en direction de Liège. Le chantier de Charatte, c'est plus d'une heure que vous perdez maintenant en direction de l'Allemagne. Il s'agit de l'E40, Aix-la-Chapelle, Bruxelles, ou plutôt Bruxelles, Aix-la-Chapelle. Chapelle, une circulation très difficile donc. Et puis sur le 17 Gand-Lille à hauteur d'Albeek vers la frontière française, donc on perd une vingtaine de minutes. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Et jusqu'à 19h, beaucoup de choses à faire. Ensemble, des cadeaux à vous offrir. Je vous en reparlerai tout à l'heure. On retrouvera le cactus de Jérôme de Warzé aussi, l'image du jour. On s'intéressera à un athlète sud-africain en compétition à Rio. Son surnom, c'est l'enfant requin. Pourquoi? Vous saurez tout avant 18h. Et à propos de sport, on s'intéresse dans un instant au premier championnat d'Europe de cyclisme. C'est avec David Bertrand et c'est juste après ça. Si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin, Vandenborg rembourse la différence. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Donnez une seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. Visiter le continent africain en chameau ou le continent américain en cabriot. Lâchez-vous, chez Neckermann, vous avez le choix parmi plus de 100 circuits. Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500€ de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances. Excusez-moi, la Peugeot 308, là. Les projecteurs avant full LED, elle a ça? Elle l'a. Et la navigation sur écran tactile, elle l'a? Elle l'a, elle a bien plus que ça. Elle a le toit panoramique et elle a aussi l'i-cockpit et le combiné tête haute. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options. Et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. L'Union Saint-Gilloise joue cette semaine au Stade Roi-Baudouin une rencontre de Proximus League. Fidèles supporters, sympathisants ou tout simplement amateurs de football, n'hésitez pas à venir encourager les unionistes pour ce match capital. Toutes les infos sur www.rusg.be avec le soutien de Viva Bruxelles. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Imaginez-vous vivre dans une maison Étienne Piron. Laissez-vous guider et découvrez notre savoir-faire unique le week-end des 17 et 18 septembre de 11 à 18 heures, rue de la Potresse à Bouges. Étienne Piron, symbole de qualité. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11 heures sur Vivacité. 5 à 7. On parle de sport tous les soirs dans le 5 à 7 et pour nous en parler ce soir, c'est David Bertrand qui est là. Bonjour David. Salut Cyril. On va parler d'une nouvelle compétition en cyclisme. C'est les championnats d'Europe qui étaient jusqu'ici réservés aux juniors et aux espoirs. Cette année, les pros vont aussi y participer. Oui, on connaît évidemment les championnats du monde qui se disputent chaque année. Ils auront d'ailleurs lieu tout bientôt. Et là, il va donc y avoir depuis aujourd'hui, d'ailleurs jusque dimanche, des championnats d'Europe par équipe nationale. Donc la Belgique, comme l'Espagne, la France ou d'autres grandes nations représentent 9 coureurs dans cette compétition. En tous les cas, chez les seniors, les élites donc. Il y a toute une série d'épreuves, il y en a 12 au total aujourd'hui, il y avait le contre-la-montre junior, hommes et femmes et espoir. La course phare, ce sera donc pour dimanche et pas mal de grands noms présents du peloton, avec Sagan, avec Kwiatkowski, avec Haru, Rui Costa ou encore Philippe Gilbert. Alors plusieurs facteurs pour expliquer ce succès pour une première édition, c'est l'attrait de la nouveauté évidemment, tout coureur rêve d'être le premier à inscrire son nom au palmarès d'une nouvelle épreuve. Il y aura bien un maillot distinctif. On connaît évidemment les maillots des champions nationaux, le maillot du champion du monde. Et là, il y aura donc un maillot pour le champion d'Europe. Ce sera un maillot blanc orné d'une ceinture bleue étoilée. On le verra donc dans le peloton dès le lendemain de la course. Et puis, la place dans le calendrier explique aussi le succès de cette première édition. La saison est presque finie, évidemment. Les grands tours, les grandes classiques sont terminées, à part peut-être la Lombardie. Et puis, il y a le mondial qui, lui, est promis aux sprinteurs dans quelques semaines. semaine. Un parcours qui, ici, au championnat d'Europe, sera plutôt favorable aux puncheurs grimpeurs parce qu'on va escalader 17 fois la même côte. Et justement, c'est pas un peu compliqué de prendre l'organisation d'un tel événement seulement un mois avant l'échéance ? Bah si, imaginez, hein, on va quand même parler de 5 jours de course, parfois 3 épreuves par jour. Au total, il y a 848 athlètes qui proviennent de 41 pays qui vont se relayer pendant toutes ces épreuves. Et puis, la pression est maximale, évidemment, pour une première édition. Mais au départ, ces championnats étaient prévus à Nice. Mais depuis les attentats du 14 juillet, la municipalité niçoise a décidé d'annuler cet événement par peur de ne pas pouvoir en assurer la sécurité. On imagine évidemment qu'il faut de très nombreuses forces de l'ordre pour organiser cela et pour encadrer une telle organisation. Et donc Nice s'est retiré de l'organisation et c'est Plumelec qui a été choisi pour remplacer Nice. Ça reste en France. Plumelec, c'est une ville de Bretagne avec un public dans ce coin-là qui est fan de cyclisme et donc l'assurance d'avoir du monde évidemment au bord des routes. Et puis si on fouille un peu plus loin, on se rend compte que le président de l'Union européenne de cyclisme, qui s'appelle David Lapartien et qui est aussi le président de la Fédération française de cyclisme, est le président du comité d'organisation du Grand Prix de Plumelec, CQFD, comme on dit dans ces conditions-là. Plumelec, c'est une petite cité morbihanaise de 2750 habitants et donc ils n'ont pas eu peur de relever le défi. Il y a beaucoup de choses à faire, évidemment. Vous imaginez, en un mois, il faut trouver aussi beaucoup de bénévoles, des signaleurs pour encadrer tout ce beau monde. Il faut préparer des zones pour accueillir du public, etc. Même si le public breton est fan de cyclisme, pour certains riverains, certains habitants de la région, ce ne sera pas drôle, évidemment, vu que la région est petite, toutes les routes sont bloquées, etc. Ça va être un peu le bazar. Mais ce petit village Plumelec, il a quand même bonne réputation dans le milieu du cyclisme. Bah oui, au-delà de cette course, le Grand Prix de Plumelec dont on parlait tout à l'heure, le village s'est illustré il y a déjà quelques années, au début des années 80. À l'époque, ils avaient repris l'organisation d'une étape du Tour de France en 4 jours à peine, suite à l'annulation de l'étape qui était initialement prévue et qui avait été reportée, annulée en tous les cas à cause de grèves dans la région. Donc Plumelec s'était montré très efficace, tout s'était passé à merveille à l'époque et depuis, d'ailleurs, le Tour de France y revient régulièrement. Il est déjà passé 4 fois par là depuis le début des années 80 et on se souvient notamment de la victoire de Greg Van Avermaet qui s'était imposé avec son équipe BMC dans le contre-la-montre par équipe. C'était l'été dernier. Est-ce que notre champion olympique sera là ? Eh bien non, justement, c'est le grand absent de la sélection belge. Pourtant, le parcours aurait pu lui convenir. Il est en forme en plus. Il s'est illustré le week-end dernier au Canada en remportant notamment le Grand Prix de Montréal. Mais il avait prévu depuis longtemps de disputer l'Eneco Tour qui débutera lundi. Il ne peut donc pas être au même endroit, à deux endroits différents au même moment. Il y aura quand même du beau monde dans les rangs belges, à commencer par Philippe Gilbert, dont on parlait il y a quelques instants. Il a d'ailleurs été choisi pour illustrer l'affiche de ce premier Euro, en espérant évidemment que les organisateurs aient misé sur le bon cheval. Et puis Gilbert ne sera pas le seul dans l'équipe belge. Il y aura Yann Baklans, Thies Benoot, Ben Hermans ou encore Jens Kuckelier. Il y aura donc du beau monde dans la délégation belge, délégation qui d'ailleurs a été retardée aujourd'hui au départ de Bruxelles à cause d'une grève des aiguilleurs du ciel, les aiguilleurs du ciel qui pratiquent un sport national en France, qui est la grève. Ça, ils le font plutôt pas mal. Alors, petite question concernant le calendrier. Pourquoi il y a une telle compétition maintenant, alors que justement ce calendrier est chargé surtout à cette période de l'année ? Bah oui, cette année, il y avait en plus de tous les grands tours et de toutes les classiques, il y avait les Jeux Olympiques qui ont monopolisé l'attention et l'énergie du peloton. Mais c'était quelque part assez illogique que l'Europe, qui est le continent qui a vu naître le cyclisme et qui est le continent phare dans ce sport, soit la seule région du monde qui n'avait pas encore son championnat continental, puisque depuis 20 ou 30 ans, il y a déjà des championnats d'Asie, d'Océanie, d'Afrique et des championnats panaméricains notamment. Et puis bon, l'UCI est une machine commerciale aussi. En créant une nouvelle compétition, on crée évidemment plus de revenus, notamment grâce aux droits télé, à la publicité qui encadre tout ça. Évidemment, beaucoup d'argent autour de tout ça. Argent. Argent. Merci David, on vous retrouve tout à l'heure pour le journal des sports. Il est 17h43. 5 à 7. C'est la période de l'année où on va l'entendre beaucoup, cette petite musique de Cap 48, et on va faire appel à vous pour avoir un compteur avec le plus beau montant possible début octobre pour la soirée de clôture de Cap 48. C'est toute une équipe qui est mobilisée, c'est toute la TBF qui est derrière des actions, c'est vous aussi avec des actions un petit peu partout en Belgique. Et dans ces actions, il y a celle de Sylvie Honoré, que vous entendez l'après-midi dans La Vie du Bon Côté, qui est aussi ce soir dans le 5 à 7. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Cyril. Alors ce soir, vous êtes chez vous à la maison, mais vous préparez des événements pour Cap 48 justement. Je n'endors plus. Donc La mission principale, c'était de rencontrer les auditeurs, vous voyez. Vous avez envie quand même de voir à qui vous adressez. Ah ben si je pouvais faire l'émission tous les jours, je le ferais. En direct, ben voilà, c'est un peu ça. Donc c'est vraiment essayer de rencontrer ces auditeurs qui en effet m'écoutent chaque après-midi entre 13h et 15h et savoir un peu finalement ce qu'ils attendent d'une émission comme la mienne. Et donc j'ai pu concrétiser ça lorsque j'ai préparé la croisière et que je l'ai concrétisé. Et donc j'avais envie, absolument, et j'avais envie de faire des choses en Belgique. Et quoi de plus finalement, de plus réconfortant de s'associer avec une opération qui fonctionne et de se dire que tout ce qu'on va organiser, c'est au profit de Cap 48. Alors oui, nous avons donc décidé, avec mon équipe et moi-même, d'organiser deux journées, conférences, ateliers, l'une à Mons, 30 septembre, et l'autre à Liège, 6 octobre. On s'est dit que deux lieux différents, que deux organisations différentes, puisqu'à Mons, ça se passe surtout du matin jusqu'au verre de clôture, à savoir 18h30, et à Liège, ça commence à 12h30 avec l'émission en direct jusqu'au soir. C'était une façon d'amener justement des auditeurs différents. Voilà. Et alors concrètement, comment est-ce qu'on va pouvoir aider ? Alors concrètement, le prix, il est unique. C'est 48 euros parce qu'on voulait... Moi, je ne sais pas me vendre, vous voyez, Cyril. Je ne sais absolument pas me vendre. Quand on me dit il faut que tu te fasses payer pour quelque chose, je ne sais pas. Donc ici, il fallait quand même que j'annonce un prix pour en effet faire grimper le compteur. Donc pour 48 euros à Mons, on offre quoi ? On offre le petit déjeuner, on offre un atelier de 2 heures le matin, on offre la petite restauration du midi avec les producteurs de la PAC W, que je remercie évidemment, puisqu'on fonctionne à zéro budget pour un maximum de profit au sein de Cap 48. On veut vraiment, vraiment, vraiment faire grimper le compteur. Moi, franchement, je visualise un chèque de 10 000 euros que j'ai envie de remettre. Ah, ce serait pas mal, ça. 10 000 euros divisé par 48, ça fait quand même du monde. Et on veut du beau monde. Donc, on veut faire ces ateliers-là le 30 septembre. 2 heures d'atelier avec le petit-déj, avec la restauration du midi, avec l'émission en direct avec le verre de clôture. Ils s'inscrivent soit pour le matin, soit pour l'après-midi. Et à Liège, on remet ça à Médiacité. Là, on sera au centre du centre commercial, voilà, Médiacité, avec à partir de 12h30 un accueil, 13-15h une émission en direct, la visite du musée de la Beauvrie, ça aussi c'est prévu, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire, moi, ces auditeurs, entre 15h et 18h30, l'heure à laquelle commence la conférence. Donc, ils auront la possibilité, gratuitement, bien entendu, pour leur paiement de 48 euros. Oui, c'est dans le forfait. Voir le musée, absolument, tout est compris. D'aller voir le musée de la Beauvrie et ensuite de participer à la conférence avec 4 intervenants donc qui présenteront un peu leur thème. Et le thème, le fil conducteur de ces deux journées, et si ma différence était ma richesse, parce qu'on veut vraiment s'axer sur la complémentarité avec la différence. Et c'est quand même quelque chose que j'évoque tous les jours en émission. Vous voyez, donc finalement... Je devais m'associer à Cap 48. Ah bah, évidemment. Quelque part, dans le contenu de mes émissions, c'est, je parle de ça, je parle de cette différence, je parle du fait de rebondir. Et cette année, l'axe central aussi de Cap 48, c'est tout handicap peut aussi survenir en cours de vie. Donc voilà, on touche vraiment des personnes qui, du jour au lendemain, se retrouvent dans une situation extrêmement difficile, une nouvelle vie qui commence. Et donc, avec les auditeurs de la vie du bon côté, on a vraiment envie de les faire rebondir et de tous s'unir finalement, des personnes valides comme les personnes moins valides, au profit de Cap 48, grâce aux auditeurs de la vie du bon côté. Et voilà. Bah donc, on compte sur les auditeurs de Vivacité et de la vie du bon côté, évidemment, pour être mobilisés le plus possible et être présents lors de ces deux journées. Toutes les infos, on les retrouve sur vivacité.be. Comme ça, on peut réserver, on peut venir vous voir. Tout simplement. Surtout, réservez, faites les paiements. C'est important, quand vous faites un paiement, quand vous faites un paiement, envoyez-moi un email, la vie du bon côté à rtbf.be ou via la page Facebook, parce que j'ai des personnes qui ont payé, et je ne sais pas qui c'est, vous voyez. Ça, c'est embêtant, oui. Oui, là, mais j'aurais une liste, à mon avis, j'aurais une liste rouge, vous voyez, qui serait quand même pas si rouge que ça, parce que le jour de l'atelier à Mons, c'est le jour de la conférence à Liège, en disant, voilà, qui est monsieur, donc à mon avis, ou qui est madame un tel, et la personne se présentera à moi, mais j'aime bien de savoir quand même qui réserve. Ah bah c'est sympa quand même, effectivement. Les ateliers à Mons, il faut choisir son atelier. Une fois que l'atelier est rempli, on passe à l'autre. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ah bah on a bien tout compris. Les infos, elles sont sur vivacité.be et on n'oublie pas de vous envoyer un email. Merci Sylvie. Voilà. À bientôt. Bonne soirée, il est 18h48. Le 5 à 7, c'est loin d'être terminé. On est là jusqu'à 19h. Avec des cadeaux, dans quelques minutes, je vous dirai quoi pour ce soir. Il y aura le cactus de Jérôme de Warzé. Et dans un instant, Nicolas Gillard nous rejoint pour l'image du jour. Viva Bruxelles présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au Parvis de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h. Info stgilles800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. Wallonie en fête oblige. L'avenir va joser, causer et déviser Wallon le samedi 17 septembre. La une du journal sera traduite en Wallon pour l'occasion. De quoi être binoge ou content, hein? L'avenir de ce samedi 17 septembre, un collecteur Wallon à ne pas manquer. L'avenir, l'avenir est au contenu. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce pilot assist de série dans la nouvelle Volvo S90, par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90, essayez-la durant les journées découvertes. Jusqu'au 17 septembre, chez votre distributeur Volvo. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise ? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Vivacité présente. Commissaire Trafic, comment ça se passe sur la route ? Alors vous perdez 3 jours sur la E421 et des ravitaillements en eau sont prévus pour les automobilistes bloqués sur la E124. Pourquoi perdre son temps dans les bouchons ? Optez pour le covoiturage, le train, le bus ou le vélo. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Une initiative de la Wallonie. Semainemob.be. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Vivacité. Comme tous les soirs, c'est le cactus de Jérôme de Warzé qui arrive dans un instant, mais juste avant, on va parler un petit peu de requins. L'image du jour avec Nicolas Gillard. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Cyril. L'image du jour aujourd'hui, elle est consacrée à l'enfant requin. Qui est l'enfant requin ? Alors l'enfant requin, c'est un athlète sud-africain. Il y a 10 ans, il perd sa jambe droite arrachée par un requin. Aujourd'hui, on le retrouve nageant dans le grand bassin des Jeux paralympiques de Rio. Ce qui est fou, c'est que le traumatisme qu'il a subi à l'époque, il a quand même vu sa jambe arrachée entre les mâchoires, donc dans la... grand requin blanc, et bien ce traumatisme lui sert désormais à nager vite, très vite. 10 ans plus tard, comme nageur paralympique, il se motive en pensant qu'il est toujours poursuivi par ce requin qui lui a pris sa jambe. Il dit qu'il utilise cette peur quand il est en compétition. Alors pour rappeler un peu son histoire, si ça vous intéresse, sa vie a basculé il y a 10 ans donc, c'était au large de Cape Town. Ashmat Asiem, c'est son nom, suit un entraînement pour devenir maître nageur, et avec son frère, il joue les victimes lors d'un exercice de sauvetage en mer. Puis il dit qu'il voit quelque chose de gris approcher, sans savoir ce que c'est. Il pense à un dauphin, mais regarde sous l'eau, puis comprend sa méprise quand il voit le requin, un requin qui fonce vers son frère. Il fait alors diversion, l'animal file tout droit vers lui, lui secoue d'abord dans tous les sens, puis le requin lui arrache la jambe, comme on le sait, et tente de l'entraîner sous l'eau sur une distance de 50 mètres environ avant de lâcher prise. Difficile de surmonter l'accident, il reprend goût à la vie, à la compétition, grâce à l'aide d'une championne paralympique sud-africaine qui le pousse, c'est lui qui le dit, à nager dans les bassins de natation comme un requin dans l'océan. Et ça marche, puisque, on l'a dit, hein, Ashmat participe aux Jeux de Pékin en 2008 et gagne une médaille de bronze à Londres en 2012. Alors aujourd'hui, ce qui est particulier dans son histoire, c'est qu'il est prêt à arrêter la compétition pour porter un projet qui lui tient à cœur. Oui, c'est ça. Ce seront ses derniers Jeux, ces Jeux-ci. L'athlète compte mettre donc effectivement un terme à sa carrière sportive, mais il veut continuer à parler de ce qui lui tient à cœur. Et c'est là que c'est incroyable. Ashmat veut soutenir la cause des requins. Ah bon ? Un poste a été créé pour lui aux Nations Unies pour s'y consacrer pleinement. Il va devenir une sorte d'ambassadeur des requins. Il veut lutter contre la surpêche qui détruit des populations entières de requins et menace de briser la chaîne alimentaire. On parle de tout de même 100 millions de requins tués chaque année. Et l'athlète dit que ce sera le chaos, en tout cas c'est ce qu'il prédit dans les océans, si les grands prédateurs, que sont les requins, sont chassés de la sorte. Ah bah en tout cas, en attendant, les requins, ils sont là, on entend régulièrement parler d'attaques de requins. Alors justement, est-ce que ces attaques sont peut-être trop médiatisées ? Ça arrive peut-être pas si souvent que ça ? Oui, c'est ça, c'est en tout cas le principal argument de leurs défenseurs, effectivement, qui reprochent aux médias d'amplifier la situation en rappelant qu'à l'échelle mondiale, les décès suite à une attaque de requins restent limités. La dernière attaque de requins, pourtant, est toute récente, elle date d'il y a une semaine.

derrière Lady Gaga ou Maggie Deblock, je ne sais plus, les critères varient tout le temps. Quant au candidat républicain, s'il était élu président et que Charles Michel devait le rencontrer, on aurait d'un côté de la table Donald Trump, que du charisme, zéro idée, et de l'autre, Charles Michel, zéro charisme. Non mais ce que je veux dire, c'est que si Trump est élu, c'est comme si Bart De Wever était Premier ministre. Hein. Ah, la CIA m'informe que c'est déjà le cas. C'était donc ma dernière chronique, merci. Cézanne. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. C'est l'heure de la météo avec vous, Dominique. Et avec des maxima de 24 à 30 degrés prévus pour demain, mais une zone de pluie pourrait nous envahir dans la fin de l'après-midi ou la soirée, se prolonger même un peu pendant la nuit. Vendredi, on va changer de masse d'air, du coup, des averses, rares ceci dit, mais quand même, et des éclaircies, encore maxima 18 à 23 degrés. Merci Dominique. Dans la suite du 5 à 7, bah, y a des cadeaux qui arrivent, c'est promis après le journal. Je vous dis quoi ? On va s'intéresser aussi à une nouvelle réglementation. Il va falloir mettre une plaque d'immatriculation sur certains vélos électriques. Et avec tout ce qui va avec, permis et assurance. On en reparle juste après le journal de 18h, le journal qui arrive dans un instant, et le journal des sports également. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri, nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain, nous vérifions les ingrédients. Nous vérifions tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Aucune information à la suite de la réunion entre la direction américaine de Caterpillar et les politiques cet après-midi. Vous entendrez Paul Magnette dans le journal. Il est pessimiste pour la suite. Selon lui, il y a très peu de chances que la direction revienne sur sa décision. Vous faites peut-être partie des 8 Belges sur 10 qui épargnent. Pourtant, les rendements sont faibles, mais le compte épargne reste la solution numéro 1 malgré tout. En sport, du football au programme ce soir. Premier match du club de Bruges en Ligue des Champions. À domicile face à Leicester, le champion d'Angleterre. David Bertrand vous en parle dans quelques minutes dans le journal des sports. Le journal sur Vivacité, c'est avec Justine Hermans. Bonsoir Justine. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Rien n'a filtré cet après-midi à l'issue de la rencontre entre la direction américaine de Caterpillar et les représentants des gouvernements fédéral et wallon. Une rencontre très attendue pour discuter des marges de manœuvre possibles sur le plan industriel et sur le plan social, après la fermeture de l'usine de Gosselies qui touche plus de 2000 emplois. Paul Magnette, le ministre-président de la région Wallonne, est assez pessimiste sur la suite des négociations. C'est une culture très américaine, donc ils se cachent derrière leurs avocats et ils n'apportent aucune réponse sur le fond, bien que je les assaille de questions et que je rappelle que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les faire reculer sur cette décision. Maintenant, je pense qu'il faut être tout à fait honnête et qu'il ne faut pas faire de fausses promesses. Je crois que la manière dont ils se comportent donne à penser qu'il y a une chance très, très ténue qu'ils reviennent sur leur décision, hélas. Mais nous allons néanmoins tout faire pour contester leur décision. Paul Magnette au micro de Pierre Magos. Notons également qu'aucune information ne filtre à la suite de l'Assemblée Générale entre syndicats et travailleurs. Elle se tenait aujourd'hui sur le site de Gosselies. Aucune info officielle donc sur une éventuelle reprise du travail demain. On vient de l'entendre, le ministre-président wallon est pessimiste, mais dans sa ville, Charleroi, toutes les entreprises ne vont pas mal. Thales Alenia Space est en pleine croissance et continue d'engager. C'est une entreprise de haute technologie, active dans le secteur spatial. En plus d'engager, elle vient d'inaugurer de nouvelles infrastructures. Elle poursuit également avec succès ses investissements dans la recherche et le développement. Reportage sur place de Grégory Faube et Caroline Landswirth. Donc là, nous sommes au sein de l'environnement de test. C'est ici que tous nos équipements sont torturés pour subir tous les tests qui nous permettront de garantir la qualité parfaite et la fiabilité parfaite des produits que nous livrons à nos clients. Emmanuel Terrasse est le directeur général de Thales Alenia Space Belgique. L'entreprise basée à Mont-sur-Marchienne vient, avec l'aide de la région Wallonne, d'investir dans de nouvelles installations qui permettent de produire et tester des équipements électroniques destinés à des satellites ou à des lanceurs comme Ariane ou Soyouz. Et ça nécessite des installations de production particulières, notamment des salles blanches, environnement où on contrôle l'ensemble des paramètres de température, d'humidité, mais aussi de particules. Gilles Flandroy travaille comme responsable qualité. Les opérateurs nous fournissent donc le circuit électronique et nous devons contrôler tout ce qui est brasure, collage, armature mécanique. Si le composant est abîmé, en fait, tout ce que nous produisons doit être garanti 15 ans. L'entreprise Carolo est aujourd'hui en pleine croissance. Il faut donc engager du personnel. Mélanie Catoire, la porte-parole. On a plus ou moins une cinquantaine de postes ouverts, tous profils confondus. Des managers, des ingénieurs, mais aussi des opérateurs qui n'ont pas de formation spécifique. En 3 ans, Thales Alenia Space Belgique a déjà créé 250 postes, ce qui représente une hausse de 40% des effectifs. Cette vague de perquisitions dans la région de Mons, 10 perquisitions totales depuis hier soir. 12 personnes ont été interpellées, les auditions sont toujours en cours. Les enquêteurs soupçonnent une fraude de grande ampleur, une filière de trafic d'êtres humains. Une des perquisitions visait le service des étrangers de la ville de Mons. 5 employés communaux ont été auditionnés. Des dizaines de personnes d'origine africaine auraient déjà été victimes de cette filière. Les faits se sont passés dans le Hainaut et le Brabant wallon. 8 Belges sur 10 mettent de côté tous les mois. De l'argent déposé, la plupart du temps sur un compte épargne, des sous qui ne fructifient quasiment plus vu les taux d'intérêt planchers 0,1-0,2%. D'après une étude de la banque CBC, peu importe la faiblesse des taux, les Belges restent attachés à leur compte épargne. Olivier Van Nieuwenhuys est conseiller en placement dans une grande banque. Le compte épargne reste toujours le matelas de secours, c'est-à-dire vraiment la trésorerie dont on pourra avoir besoin, mais je dirais aujourd'hui vraiment à court terme. 6 mois, 12 mois, fonction de projet, fonction éventuellement, mais je dirais, de choses qui seront à payer, un impôt par exemple, le compte épargne reste le maître choix, aussi faible soit le rendement. Parce que de nouveau, sa liquidité, elle est maximale. Du jour au lendemain, vous prenez effectivement et vous récupérez la somme et sa garantie de capital est effectivement existante. Donc ça reste le maître choix pour des besoins à court terme. 6 mois, 12 mois maximum. Une interview réalisée par Lionel Denebourg. Actuellement, plus de 265 milliards d'euros sont placés sur des comptes épargne, un record en Belgique. Une journée mondiale qui peut paraître étonnante en ce 14 septembre, la journée de l'entente des voix. 4 à 10% de la population les entend. Pour l'occasion aujourd'hui, un collectif a proposé une autre manière de prendre en charge ses patients, moins médicalisée, en passant notamment par la musique. Reportage Vinciane Vautron. Je voudrais appuyer sur off pour que toutes ces voix s'éteignent. Un atelier slam pour extérioriser, pour mettre des mots sur des situations vécues par Rita et Raphaël. J'entends des voix pratiquement toute l'année. C'est comme si c'est un appel téléphonique qui dure tout le temps et qui s'arrête jamais en fait. Il faut savoir vivre avec ces voix, parce que ces voix sont des fois supportables, insupportables et des fois très plaisantes. Moi, j'ai besoin d'aller au cimetière, j'ai besoin d'aller me recueillir sur les tombes. Les voix, je parle plus facilement aux morts qu'aux vivants. L'origine de cette pathologie peut trouver sa source dans la schizophrénie, mais pas seulement. Antoine Mézin est psychiatre. Il y a beaucoup de gens qui entendent des voix qui ont eu affaire avec la psychiatrie. Il y a plein d'autres manières de comprendre les choses. Il y en a qui comprennent plutôt autour d'un traumatisme qui a été vécu à un moment donné. Et puis, il y en a d'autres qui pensent aussi que c'est quelque chose comme ça qui vient, on ne sait pas très bien d'où, et puis avec lequel il faut composer. Pour tenter de venir en aide à ces personnes, le projet 107 a été mis sur pied. Des équipes mobiles psychiatriques se rendent au domicile des usagers de la santé mentale, accompagnées par du personnel médical, mais pas seulement. Cécile est père aidante, c'est-à-dire qu'elle fait profiter d'autres malades de son expérience. En me libérant de mes émotions, ça m'a permis d'avoir le contrôle sur les voix et de pouvoir les éradiquer. Une manière pour les entendeurs de voix de se sentir écoutés. La tienne. Plus d'un milliard d'étoiles localisées dans la galaxie. Gaïa, le satellite européen, a pu cartographier précisément une partie de notre Voie lactée. Une petite partie, puisque ça représente moins d'1% de toutes les étoiles. C'est tout de même la cartographie la plus vaste et la plus précise jamais réalisée pour les scientifiques. Un peu merci Delphine, j'allais dire. Non, Justine. Bah Delphine, ça vous voit bien aussi, mais Justine, c'est un joli prénom. Merci Justine. Merci Cyril. Il est 18h07. On va faire un www.rtbfmobileinfo tout de suite. Comment ça roule? On va le savoir grâce à Anne-Michel Blouberg. Oui, Cyril, eh bien, difficulté aujourd'hui. Deux suites d'accidents, tout d'abord, qui retiennent notre attention. Tout d'abord, sur le 19 Bruxelles-Valenciennes, à hauteur de Nîmes-Mézières, 6 km de fil dans lesquels vous perdez une quarantaine de minutes en direction de Valenciennes. Et plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident qui s'est produit sur la Nationale 4 Namur-Arlon, à hauteur d'Assès-la-Chaussée, et fermé. Il y a bien entendu des fils en amont en direction d'Arlon. Des ralentissements dans les travaux sur le 40 d'Aix-la-Chapelle, Bruxelles, à hauteur de Cherat vers Aix-la-Chapelle. Vous perdez maintenant près d'une heure. Des ralentissements également dans les travaux sur le 25 Bastogne-Liège entre Gomes et Tilf. Circulation ralentie sur 5 km. Vous perdez là une vingtaine de minutes en direction de Liège. Et puis on a un accident sur le 40 d'Ostende-Bruxelles, à hauteur de Nevele. La bande gauche est encombrée. Fil en formation, vous perdez une dizaine de minutes en direction de la capitale. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Vivacité, le journal des sports. C'est avec David Bertrand. Et David, avant de parler de la Ligue des Champions, une nouvelle médaille pour la Belgique aux Jeux Paralympiques. Oui, une cinquième médaille pour la Belgique décrochée à Rio, une médaille d'argent remportée par la cavalière Michèle Georges dans la finale individuelle du test grade 4C de l'équitation. Michèle Georges monte son fidèle cheval Redman. La cavalière possède désormais trois médailles paralympiques. Après ses deux titres conquis à Londres en 2012, elle qui disputera encore deux autres épreuves à Rio. À Rio, où Christophe Hindrik s'est classé cinquième du contre-la-montre de la course en fauteuil. Jean-François Deberg a pris lui la 7e place. Ils disputeront encore la course en ligne et le relais par équipe. On repart à Rio dans quelques instants, mais avant cela, la Ligue des Champions, la suite ce soir de la première journée avec 9 matchs au programme. Oui, 9 puisque la rencontre entre Manchester City et Mönchengladbach prévue hier soir a été postposée à ce mercredi en raison de pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Grande-Bretagne hier. À cela s'ajoutent donc les 8 rencontres prévues initialement aujourd'hui, dont la visite de Leicester au club de Bruges, le seul club belge en Ligue des Champions cette saison. Bruges qui connaît un début de saison difficile avec déjà 3 défaites en championnat en Pro League. Alors faut-il s'en inquiéter? C'est la question posée par Ebi Brouzakis à Vincent Manhart, c'est le manager du club. Certainement pas vu le dernier match à Beveren. On a bien commencé la saison avec une victoire dans la Supercoupe et puis une première victoire à l'extérieur à Malines. Donc là, on avait le sentiment que tout était en route pour un bon départ. Mais après, on doit avouer que le niveau n'était pas cohérent. Ça vous inquiète avant d'entamer la Ligue des Champions? Peut-être ça a à voir avec la Ligue des Champions. Peut-être il y a des joueurs qui ont quand même cette aventure, cette compétition du tout haut niveau en tête. Ça, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'a pas pu tenir le niveau qu'on a montré à Malines. Le club de Bruges, Leicester, un match à suivre en direct sur Vivacité, évidemment. Et Bibrouzakis aux commentaires ce soir, Viva Sport, dès 20h. Chez nous, football toujours, Westerlo a choisi le remplaçant de Bob Peters, limogé hier. Et c'est Jackie Matthijssen qui débarque en Campine. Matthijssen prend les rênes de son 7e club belge depuis 2001. Le premier match qu'il dirigera ce week-end face à Moucron sera déjà très important dans la lutte pour le maintien. Il s'appelle Alexander Seferin, c'est le nouveau patron de l'UEFA. Oui, le Slovène de 48 ans succède à Michel Platini à la tête de la Fédération Européenne de Football. Son portrait avec François Zaleski. Face au vétéran néerlandais Van Praag, la relative jeunesse du Slovène Seferin n'aura finalement pas été un obstacle. Papa de 3 enfants et avocat de profession, Alexander Seferin aura su plaider sa cause auprès des pays les plus puissants, comme l'Allemagne, l'Espagne, la France ou l'Italie, tout en s'assurant le soutien des plus petits. Il lui sera difficile de contenter les deux clans, plus divisés que jamais suite à la réforme de la Ligue des Champions. En 2 ans et demi de mandat, Alexander Seferin devra surtout ramener de la crédibilité, une responsabilité dont le nouveau président a pleine conscience. C'est un grand honneur, mais en même temps une grande responsabilité. Cela représente beaucoup pour moi. Ma famille est fière de moi, ma petite et belle Slovénie est fière de moi, et j'espère qu'un jour, vous aussi, vous serez fiers de moi. À mi-chemin entre volonté de changement et pragmatisme, Seferin insiste sur le football d'abord. En défendant des mandats limités et la transparence des comptes, il part en quête de probité, précisément là où Michel Platini avait échoué. A toujours suspendu entendu, l'ancien président de l'UEFA s'est exprimé pour réaffirmer son innocence et dire au revoir, mais pas encore adieu. Vous allez poursuivre cette belle mission sans moi. Ma conscience est tranquille. Je continue le combat judiciaire. Amis du football, à bientôt. En cyclisme, victoire de Tony Galopin au sommet de la Citadelle de Namur. Le coureur de l'équipe Lotto-Soudal s'est imposé dans ce Grand Prix de Wallonie, couru dans des conditions estivales, une véritable canicule sur les routes wallonnes et à l'arrivée à Namur, une victoire française, donc devant le Slovaque Vakoch et le Belge Jérôme Bonny, troisième. Tout le peloton s'était regroupé au pied de la route merveilleuse et tout s'est donc joué lors de l'ascension de la Citadelle. Tony Galopin, le vainqueur, au micro de Samuel Grulois. C'est une course qui me tient à cœur parce que je pense que cette Citadelle, c'est vraiment une montée qui me convient parfaitement. Il y a deux ans, j'étais tombé sur un Greg en grande forme. J'étais rentré derrière du peloton sur lui qui était échappé et voilà, il m'avait battu au sprint. Donc j'étais tombé sur plus fort que moi. Mais voilà, aujourd'hui, je ne voulais pas attendre le sprint. C'est pour ça que j'ai attaqué une première fois et aussi dans le dernier kilomètre pour aller la chercher, même si je pense que Vakok revenait très fort et j'ai eu un peu de stress dans les 50 derniers mètres. C'est vraiment une course magnifique, du début à la fin, les routes sont magnifiques, la course se déroule parfaitement, les routes sont belles et le parcours aussi, c'est vraiment difficile mais pas non plus horrible. Donc voilà, ça fait vraiment une course ouverte et une belle course. À Rio, Joachim Gérard est à un match de la médaille paralympique. Le joueur de tennis en chaise dispute la demi-finale ce mercredi. Il sera sur le central aux environs de 18h30 dans un gros quart d'heure. Son adversaire du jour, c'est le jeune britannique Hewett, 18 ans mais déjà 12e mondial. Un joueur contre qui Joachim Gérard n'a jamais perdu et qui est pourtant l'une des surprises à ce stade de la compétition. Moi, je ne l'avais pas mis dans mes favoris pour la médaille et là maintenant il est déjà en demi-finale. Il a battu le numéro 4 et 7 mondial. Qui étaient pour moi deux prétendants à une médaille. Donc voilà, ce sera autre chose. Donc je vais, dans tous les cas, on sait que sur papier, je suis meilleur que lui. Mais c'est que sur papier. C'est un très bon joueur qui manque peut-être un peu d'expérience, qui est très jeune, il a que 18 ans, mais qui n'a rien à perdre. Donc il va vraiment tout donner, rien lâcher. Et il va falloir non plus rien lui donner et rien lâcher. Joachim, vous êtes à un match de la médaille. Un match de la médaille, mais à deux matchs de rien du tout aussi. Donc il ne faut pas lâcher la pression. Il faut rester vraiment concentré jusqu'au bout et faire tout en mon pouvoir pour aller chercher au moins une médaille, peu importe la couleur. Mais là, le rêve prend forme quand même, tout doucement. Oui, le rêve de la médaille, premièrement, c'est plus qu'un rêve qui est en train de se réaliser. Mais en plus, si je peux ramener la médaille d'or, ça c'est le rêve ultime que je pourrais faire. Joachim Gérard au micro de notre envoyé spécial à Rio, Manu de Bièvre. Un match que vous pourrez suivre en direct en télévision sur la 3 et sur le site de la RTBF, rtbf.be/sport. Un autre spécialiste tennis, Christine Anquet et Martin Weynans aux commentaires. Et puis au programme ce soir également, du basket avec le match entre la Belgique et la Suisse. En cas de victoire, les Belgian Lions, toujours invaincus dans cette phase qualificative, valideront leur qualification pour l'Euro 2017. Merci David pour toutes ces infos sportives et bonne soirée, il est 18h15. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h sur Vivacité, 5 à 7. Vivacité. Dans ce 5 à 7 jusqu'à 19h, on continue à faire le tour de l'actualité. On apprend aujourd'hui dans le journal Métro qu'il faudra bientôt mettre une plaque d'immatriculation sur votre vélo électrique et avoir un permis de conduire. Ça concerne certains vélos électriques. On y revient dans quelques minutes sur Vivacité. On s'intéressera aussi à ce qui se passe dans votre cuisine ou ce qui va se passer dans votre cuisine en l'occurrence, puisqu'avec Candice, tous les jours, elle vient nous donner la dernière actu sur le monde culinaire. Alors, elle viendra avec quoi aujourd'hui? La réponse dans moins de 10 minutes sur Vivacité. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, on cherche des petits coins de fraîcheur. On vous a trouvé un truc plutôt sympa tout à l'heure, si je vous dis douche de glace. Ça vous parle peut-être pas, mais on verra ce que c'est avant 19h, c'est promis. Et on verra si on peut faire du sport quand il fait comme ça. On l'entend, les compétitions sportives continuent. On fera un tour des quelques conseils pour continuer à faire du sport quand il fait aussi chaud qu'aujourd'hui. Et puis il y aura des cadeaux, je vous envoie à l'hôpital. C'est pas une blague. Je vous envoie à l'hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines. Alors si vous voulez repartir avec vos entrées pour y aller, vous envoyez Ravel au 6003 pour 75 centimes. Le message, bonne chance à vous. Hyundai, c'est Automézer. Hyundai Automézer. Les meilleures conditions et jusqu'à 5 ans d'entretien, de garantie et d'assistance. Ils ont tout pour me plaire. Hyundai Automézer, 542 chaussée de Louvain, proximité Mézère. La 2 en télé. Rentrez en rire et en fanfare avec une équipe survitaminée. Bonjour Madame Milquet. Bonjour Monsieur Le Borgne. Les fripouilles ont pris le pouvoir. Ne manquez pas la rentrée du Grand Cactus ce jeudi sur la 2. Oh chérie, c'est ouvert. Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier. Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rhodes-Saint-Genèse, à côté de Dovi. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes, t'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat? Je sais plus. Arrête-moi ça! Arrête-moi ça! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas? Ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Et pas pour les canapés? Non. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Renseignez-vous sur abiome.be. Les souvenirs de vos vacances s'effacent, la pression vous gagne peu à peu. Lâchez tout et venez vous évader à l'hippodrome de Wallonie. Originalité, spectacle et émotions seront au rendez-vous ce dimanche 18 septembre dès 14h à l'occasion des finales du derby. Au programme, course de qualité, bar à cocktail, show équestre et animation gratuite pour les enfants. N'hésitez plus et rendez-nous visite ce dimanche 18 septembre dès 14h à l'hippodrome de Wallonie. 4 euros l'entrée, gratuite pour les moins de 16 ans. Hippodrome de Wallonie. 31 route de Wallonie, Aglin ou sur hippodromedewallonie.be. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir du fivre. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Jusqu'à 19h, 5 à 7. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes. À bicyclette. On va parler de bicyclette, de vélo électrique ce soir dans le 5 à 7 avant de retrouver Candice Cotter dans quelques secondes. Il y a une info qui a été publiée par le journal Métro et qui nous dit que bientôt il faudra un permis de conduire et une plaque d'immatriculation pour rouler en vélo électrique rapide. Alors c'est supervisé par le SPF Mobilité, on les a appelés cet après-midi en préparant l'émission et ils nous ont dit que ça n'aurait jamais dû sortir dans la presse puisque c'est un projet qui sera présenté officiellement la semaine prochaine. C'était sous embargo mais ça a quand même fuité, du coup on s'est dit on va en parler, c'est quoi exactement les vélos électriques rapides? Jean-Louis Versker, vous êtes président de la Fédération francophone belge du cyclotourisme et du VTT. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Merci d'être ce soir dans le 5 à 7. On a vu cette info aujourd'hui qui nous parle donc de permis et de plaques d'immatriculation pour les vélos électriques rapides. C'est quoi un vélo électrique rapide? Parce qu'on connaît le vélo électrique, il y a quelque chose qui va encore plus vite que ça. C'est un vélo qui ne peut plus être considéré comme tel de par ses performances. Donc il y a une norme européenne qui est la norme EN 1594 qui prévoit qu'un vélo assistance électrique est encore considéré comme vélo s'il respecte 3 critères. Le premier critère, c'est que l'assistance doit être dégressive en fonction de la vitesse du vélo et doit se couper lorsque le vélo atteint 25 km/h. La deuxième condition est que l'assistance ne fonctionne que si le cycliste pédale. Et la troisième condition est que le moteur doit avoir une puissance de maximum 250 watts. D'accord. Donc si l'une de ces trois conditions n'est pas respectée, ce n'est plus vraiment un vélo, c'est assimilé à un cyclomoteur, vélomoteur ou encore scooter. Donc, Ça, mais on est loin du vélo traditionnel. Celui qui achète son vélo pour se balader, il ne sera pas concerné par ça alors? Pour autant, non, un vélo sans assistance électrique, bien sûr que non, mais un vélo assistance électrique qui respectera cette norme sera encore considéré comme vélo et donc ne devra pas se soumettre aux nouvelles conditions du code de la route. Vous trouvez que c'est une bonne chose, ça ? Personnellement, oui, parce qu'à la Fédé, à la Fédération, nous avons déjà assimilé cette norme depuis la sortie des vélos assistance électrique et cela dans l'intérêt de nos affiliés. Pour une question de sécurité, tout simplement, parce que sinon, on risquerait d'avoir des vélos trop puissants qui deviennent difficiles à maîtriser, parfois pour des gens qui ne sont pas habitués. Mais ici, on parle d'un permis théorique, et donc derrière d'une plaque d'immatriculation et d'une assurance obligatoire. C'est un permis théorique, donc on peut quand même faire n'importe quoi avec son vélo trop puissant. Ben, disons qu'un vélo qui dépassera les 25 km/h et qui aura une certaine puissance devra être assimilé à un cyclomoteur. Donc les cyclomoteurs, bon, je ne connais pas cela en détail, mais il faut également un permis de conduire, ça, ouais, et puis une plaque, etc. Donc ça devient un vélo moteur. D'accord. Et qui utilise ça, un vélo qui va à plus de 25 km/h? Parce qu'il n'y a plus d'intérêt à appeler ça vélo quand même. On n'a plus rien à faire à ce moment-là. Ben non, donc ça devient un vélo, un utilitaire en quelque sorte, ouais, pour aller travailler. Ben, c'est assimilé finalement à un cyclomoteur, à un moteur à explosion. Ah ouais. Bah en même temps, c'est bien, ça permet de se balader et de ne pas faire d'efforts, hein. On n'est pas contre. Merci beaucoup pour toutes vos explications, Jean-Louis, et on suivra donc ce dossier, on verra si le SPF Mobilité va au bout de cette réglementation. Merci Jean-Louis, bonne soirée à vous, à bientôt. Oui, bonne soirée, au revoir. 5 à 7. On est mercredi, alors mercredi, je sais pas si en cuisine c'est jour des raviolis. Candice Cotter va nous le dire tout de suite. Bonsoir Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Aujourd'hui ça va pas être raviolis, mais on pourrait. Et je vais garder à l'esprit que pour vous, mercredi c'est raviolis. Et donc, mais comme lundi, mardi, jeudi, samedi, et vendredi. Voilà. Ah, bah écoutez, ça puisqu'il va. Y, donc il y a que le dimanche, ça on mange autre chose. Ça va minimiser un peu le propos. Mais aujourd'hui c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler. J'ai besoin d'un roulement de tambour. Encore? Attendez, je ressors mon tambour. J'aime bien le roulement de tambour. Non, mais je le ressors. Allez-y. J'ai rajouté une cymbale, il y a du budget. Demain, les gars, demain s'ouvrira le quatrième magasin Ferme. Est-ce que vous connaissez le magasin Ferme? Pas du tout. F-A avec un tréma. Mais c'est assez drôle que ça ouvre si ça ferme. Ça, c'était une très bonne blague. je vais rire après, mais je vais faire quand même le... Non mais il était mérité. Alors Ferme, c'est quoi? C'est un supermarché coopératif. C'est quoi un supermarché coopératif? C'est un supermarché dans lequel on trouve du bio, du local, du durable, etc. Mais surtout dans lequel tous les producteurs, quelle que soit leur culture, carottes, lait, miel, peu importe, peuvent s'affilier pour y vendre leurs produits fermiers. Donc Ferme, c'est le premier supermarché de ce type. Vous D'accord. avez des magasins bio, vous avez des sites internet qui vous permettent d'avoir différents produits de différents producteurs. Ouais. Mais là, c'est un vrai point de vente. Voilà, là, on a un réel point de vente où vous avez les tomates de Monsieur Machin, le miel de Monsieur Broll et le lait. C'est bien parce que c'est Madame. Parfois distant quand même. Exactement. Tous les Donc ça vous aide vraiment. Et toutes les personnes qui font des beaux produits, qui sont passionnées et qui ont un peu de difficulté à mettre en avant leurs produits parce que c'est pas toujours facile quand on est producteur, ben fermez la clé. Vous vous affiliez, eux vous accueillent, vous devenez un co-fermeur. Ouais. Et en gros, l'idée, c'est que ce soit un lieu d'échange assez convivial, équitable pour tous, pour le producteur aussi, pour nous aussi. Mais pour le producteur aussi. Donc en gros, c'est le magasin bio 2.0. Et le concept a été lancé par 4 jeunes bruxellois en 2012. Ça n'a cessé de grandir. Il y a 3 magasins, mais ces magasins ne sont qu'à Bruxelles. Donc il y en a un Place Sainte-Catherine, il y en a un à Etterbeek, il y en a un à Oudergem. Demain, ça s'ouvre à Uccle, rue Van der Kinderen. Et ce qui est vraiment novateur, c'est que ce nouveau magasin va proposer tout ce qui est assortiment fruits et légumes, produits en vrac, pain, produits d'hygiène, entretien, etc. Très bien, comme tous les autres, mais en majuscule, une herboristerie complète qui va accueillir 200 plantes. Ah, ça c'est... En bio, en local. C'est extra. Honnêtement, c'est inédit. Et donc, si vous êtes là-dedans, si vous avez envie de vous racheter des plantes pour la maison, de mettre des fleurs dans votre cuisine, ça, 200 plantes, une herboristerie complète dans ce magasin. C'est à découvrir absolument. Rue Van der Kinderen, 352 à Uccle. Je vous ai mis sur vivacité.be les coordonnées. En gros, c'est www.farm, puisque c'est à farmstore.be. Et vous avez un Facebook aussi, facebook.com. Et vous avez toutes les infos là-dessus concernant l'ouverture, les plantes, les produits, les producteurs, etc., etc. Bref, une super belle initiative. Eh ben merci pour cette info. On vous retrouve demain, Candice. À demain. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se rafraîchir? On vous a trouvé une douche de glace. Qu'est-ce que c'est? Ben, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Dans quelques minutes, dans ce 5 à 7, on vous donnera les conseils aussi pour peut-être faire un petit peu de sport. Pas trop, un petit peu, quand il fait chaud comme aujourd'hui. Et puis, je vous offre toujours des cadeaux. Je vous invite à l'hôpital. Oui, l'hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines. Alors, juste pour préciser que c'est pas, je vous emmène pas chez un médecin. On va appeler l'hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines pour savoir ce que c'est exactement. En tout cas, j'ai 4 entrées pour vous. Vous envoyez Ravel pour vous inscrire au 60 03 pour 75 centimes. Le message. Viva.

averses et des maxima compris entre 18 et 23 degrés. Un rafraîchissement qui va se poursuivre le week-end. On reviendra à des valeurs plus normales pour la saison, 15 à 20 degrés samedi, 16 à 21 degrés dimanche. Et le vent sera alors modéré d'ouest à sud-ouest. Bon bah ça sent tout doucement l'automne qui pointe le bout de son nez. C'est normal, en même temps, c'est la période. Dernier barbecue ce soir. Eh bah ouais, faut en profiter. À 18h32, on part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info. Anne-Michel Blaubert, comment ça se passe? Eh bien Cyril, on a toujours les suites impliquant les suites de l'accident impliquant deux camions sur le 19 Bruxelles-Valenciennes à hauteur de Nîmes-Mézières. Vous perdez encore une quarantaine de minutes dans les files et on a des répercussions sur la Nationale 6 venant de Soignoux. Vous perdez une dizaine de minutes, le tout en direction donc de Valenciennes. Suite de l'accident sur le 40 Bruxelles-Liège à hauteur de Berlot, voie de gauche et centrale neutralisée, circulation ralentie en direction de Liège. Le chantier de Cheratte vous ralentit également sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle vers l'Allemagne. Vous perdez une cinquantaine de minutes encore. Des ralentissements engendrés par les travaux sur le 25 Bastogne-Liège entre Gomes et Tilf. Une circulation ralentie sur 5 km où vous perdez une vingtaine de minutes en direction de Liège. Accident par ailleurs sur le 40 Ostende-Bruxelles à hauteur de Nevle. Bande de gauche neutralisée en relève des fils. Vous perdez là une vingtaine de minutes en direction de la capitale. Et du côté du ring de Bruxelles, vous pouvez rajouter une trentaine de minutes supplémentaires en circulation extérieure Zaventem-Grand Billard pour le temps de parcours le plus long. Et puis attention à cet objet encombrant. Une grosse plaque de métal qui est signalée sur le 19 Mons-Bruxelles à hauteur de Houdingouni. La bande de gauche est encombrée en direction de Bruxelles. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Ce soir, comme tous les soirs, dans le 5 à 7, on va retrouver Pop Story, Marc Touesca qui sera avec nous dans quelques minutes, le best-of des enfants de cœur aussi. Et alors, il y a des cadeaux à gagner tous les soirs dans le 5 à 7. Et aujourd'hui, des entrées pour l'hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines. Et là, tout à l'heure, je me suis dit, on va pas inviter les auditeurs dans un hôpital quand même. C'est pas fort d'aller chez le médecin, quoi. Et ben alors, justement, pour ceux qui se disent justement que ça pourrait être un hôpital normal. Évidemment, ça ne l'est pas. Il y a des belles choses à aller voir là-bas. On va en parler tout de suite. On prend la direction de l'hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines, où Marc est avec nous au téléphone. Bonsoir Marc. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous les auditeurs. Rassurez-nous, les auditeurs qu'on va vous envoyer, là, qui vont gagner leur place, oui. Vous n'allez pas les ausculter, les garder dans une chambre pendant quelques semaines. Non, pas question de cela. Même si les instruments sont ici présentés, sont peut-être parfois un peu effrayants, redoutables, mais ils sont dans notre temps. En fait, c'est un site, l'hôpital, un petit peu hors du commun et hors du temps, vraiment. Donc, on peut continuer à venir se faire soigner ici, mais on vient soigner plutôt sa curiosité, je veux dire. C'est ça, on vient soigner un petit peu son humeur et sa culture, donc ici. C'est en fait un ancien hôtel-dieu datant déjà du Moyen-Âge, avec, et on vient voir des grandes salles de malades, la pharmacie, le jardin de plantes, mais aussi le dortoir des sœurs, puisqu'il y avait une communauté qui vivait ici, le cloître, la chapelle. Donc, c'est vraiment un lieu qui était admirablement restauré ici à Lessines et qui est un élément de patrimoine exceptionnel ici en Wallonie. Donc un magnifique endroit sans aucun risque de recevoir des piqûres, pas d'aiguilles, rien de tout ça. Non. Quoique s'il y a une ou l'autre volonté qui se fait jour, ma foi, on peut toujours partir sur un lavement ou l'autre. Ça donne envie. Voilà, qui sait, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc Marc est ouvert à faire des soins s'il faut, mais ce n'est pas le but à la base. À la demande. Parfait, merci Marc. Je vous souhaite une bonne soirée à Lessines. Oui. À bientôt. Donc si vous voulez vous inscrire et aller visiter ce magnifique endroit, il suffit de d'envoyer un SMS maintenant, vous envoyez Ravel, R-A-V-E-L, au 60-03 pour 75 centimes le message, puisque c'est grâce au beau vélo de Ravel que vous allez pouvoir visiter cet endroit, 365.be et ciné-télé-revue. Il est 18h36. Pop Story arrivera dans un instant sur Vivacité. On va retrouver Marc Touesca dans quelques secondes. Avant ça, on va parler d'endroits où il peut faire un peu plus frais en ce moment, parce qu'il fait quand même très très chaud à l'extérieur. On va essayer de se rafraîchir. Et alors, avec l'équipe, on s'est dit, où est-ce qu'on peut se rafraîchir? On a trouvé qu'il existait une fontaine de glace au château des Thermes de Chaudfontaine. Virginie Verian, vous êtes la directrice, vous êtes là pour nous en parler. Bonsoir Virginie. Bonsoir tout le monde. C'est quoi une fontaine de glace? Parce que ça fait rêver quand on a chaud comme aujourd'hui. On imagine parfois aller se mettre dans un bain d'eau froide ou sous de la glace carrément. C'est vraiment ça? C'est de la glace qui nous tombe dessus? Tout à fait. Donc c'est déjà un tout nouveau local qui a été créé ici au mois d'août. qui est composé en fait de deux pièces. Vous avez d'abord une première pièce qui est un sas réfrigéré, donc pour déjà vous habituer au froid. Donc un sas qui est à 8 degrés dans lequel vous pouvez vous poser quelques minutes. Vous avez des fauteuils pour vous reposer. Ouais. Et puis rentrer dans la deuxième partie, donc la pièce où là il fait 3 degrés, ah oui, où vous avez même une fontaine de glace, donc un distributeur de grosses paillettes de glace que vous pouvez utiliser pour vous frictionner, vous revigorer. Mais on y va avec une doudoune, vous filez un équipement? Non, pas du tout, surtout maintenant, ou de toute façon en hiver, en général, c'est à la sortie du sauna. D'accord. À la sortie du sauna ou du hammam. Ah oui, on passe vraiment de très très chaud, 90 degrés, à 3 degrés, quoi. Tout à fait. Ah bah ça, ça doit être sympa à faire. Vu qu'il fait super chaud en ce moment, il y a plus de monde que d'habitude ou pas? Il y a plus de demandes en effet, puisqu'en plus on dispose d'une piscine extérieure magnifique. Donc là, évidemment, ça attire toujours beaucoup de monde. Bah c'est quand même un bon plan quand il fait comme ça, d'aller pouvoir se reposer et se détendre. On pense souvent aux piscines qui peuvent exister un petit peu partout, mais pas toujours à des endroits comme le vôtre, le château des Thermes de Chauxfontaine, pour pouvoir aller justement se délasser, se détendre et surtout se rafraîchir grâce à cette fontaine de glace. Bah merci Virginie pour cette bonne idée en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée. Bah merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci Virginie. Beaucoup. Ça me fait rêver cette idée d'aller dans une fontaine de glace alors qu'on est tous en train de mourir de chaud ce soir. 18h38, c'est l'heure de retrouver Marc Toesca tout de suite, c'est Pop Story. Pop Story. Pop Story. Marc Toesca. Dans la série Fichtre comme le temps passe, Pop Story célèbre aujourd'hui les 60 ans de... considérée depuis comme une des plus grandes chansons de toute l'histoire du rock. Restez assis, profitez de la magie du rock. Premier 45 tours de Gene Vincent, sorti en 56, ce n'est que quelques mois plus tard que la version française va laminer les jukebox et tourne-disques des copains avec les premières galettes des Chaussettes Noires et surtout de Johnny Hallyday. Toujours le champion de Johnny, t'es le plus grand. Lors d'un passage dans une émission de MTV, Paul McCartney raconte que Bebop Aloula de Gene Vincent est le tout premier 45 tours qu'il a acheté. La légende dit que lorsque McCartney a vu pour la première fois Lennon et les Quarrymen jouer sur scène, John chantait précisément Bebop Aloula. Ce n'est donc pas un hasard si le monument de Gene Vincent ouvre l'album Rock'n'Roll que Lennon enregistre en 75. Ouais. Bebop Aloula a été adapté et repris par un nombre quasi astronomique d'interprètes de tout poil, on compte très peu de versions que l'on qualifiera d'approximatives. Il existe bien un enregistrement stratosphérique de Boney M, mais qui n'a pas dépassé le stade expérimental, ou plus récent, cette tentative signée d'une certaine Dizzy Quinn. Né 34 jours après Elvis Presley, Gene Vincent sera la réponse de la maison de disques Capitol au succès sans partage du King. Condamné à jouer les mauvais garçons, les rebelles, il est accro aux antidouleurs, aux drogues et à l'alcool. Jusqu'à cet accident de voiture qui coûtera la vie à son pote Eddie Cochrane. C'était donc il y a 60 ans, Gene Vincent enregistré à Nashville. Well, she's the gal in the red blue jean. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't make my baby. Bebop Lula, she. My baby, my baby, my baby, my baby. Let's rock! 1956, Gene Vincent enregistrait ce monument du rock'n'roll, Bebopalula. Pop Story. L'histoire des hits. Les 19h sur Viacité, c'est le Tip Top, la quotidienne qui arrive. Vous entendrez Cocoon, c'est bon ça Cocoon? Et puis c'est pas tout, avant 19h, il y a le best-of des enfants de cœur qui arrive dans le 5 à 7 sur Vivacité. On va parler de sport aussi. Quand il fait chaud comme ça, c'est quoi les conseils pour faire un petit peu de sport? Ben on verra ça avec un expert juste après la pause. Et puis toujours vos places à gagner, vos entrées pour aller découvrir le magnifique hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines. C'est maintenant que ça se passe, dans 2 minutes c'est trop tard. Vous envoyez simplement le code RAVEL, R-A-V-E-L au 6003. Allez-y maintenant. Vandenborg suit chaque jour les prix des autres magasins et adapte ses propres prix. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Venez redécouvrir ce dimanche, sans voiture, Bruxelles ma belle. Rendez-vous dès 10h pour déjeuner sur l'herbe, au pied de l'Atomium. À 13h, tous en selle avec Joël Scorils. Et à 16h, concert gratuit de Willy William et Magic System. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. C'était de nouveau. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais je sais pas quoi choisir. Ouais, tout est super beau, quoi. Oh oui. Et toi, t'as pris quoi? La chemise, le top ou le pull? Sophie, mais t'es où? Ici, je suis déjà à la caisse, hein. J'ai pris les trois. Maintenant, chez CA, 2 plus 1 gratuit sur tous les hauts d'âme. CA. Vivacité et la 3 présente un dîner d'adieu. Une satire drôle et décapante de nos hypocrisies sociales, amicales et conjugales. Un dîner d'adieu, un engrenage infernal et hilarant. Au Théâtre des Galeries, du 14 septembre au 9 octobre. 02 512 0407 ou trg.be. Avec le Vif l'Express et le soir. Moi, je suis le préservatif. Avec moi, vous vous protégez et vous protégez les autres. Moi, je suis le test de dépistage. Grâce à moi, vous savez si vous êtes infecté par le sida ou par une infection sexuellement transmissible. Et moi, je suis le traitement. Je vous soigne et je peux vous permettre de ne plus être contaminant pour votre partenaire. Préservatif. Dépistage. Traitement. Ensemble, nous sommes les bons réflexes pour vous protéger du sida et des infections sexuellement transmissibles. La prévention évolue. Renseignez-vous sur lesbonsreflexes.org avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti, chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain, à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different, be Infiniti. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Il est 18h45, avant de parler de sport, on va tout de suite aller chez David de Hackeny. Bonsoir David. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien, vous avez passé une bonne journée? Parfait, oui. Est-ce que vous avez... Ah ben justement, à propos de chaleur, est-ce que vous avez trouvé une astuce pour vous rafraîchir, vous David? Difficilement. Ah, c'est compliqué. Ça vous fait rêver, ouais, la douche de glace dont on parlait il y a quelques minutes, là, de la glace qui vous tombe dessus? J'ai entendu ça, ça pourrait être sympa, ouais. Ah, ça doit faire du bien quand il fait comme ça. Ça David, on va pas parler de fraîcheur, quoique peut-être que dans l'hôpital là-bas à Lessines, il fait pas très très chaud. L'hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines, c'est ce que vous allez visiter puisque vous repartez avec 4 entrées pour aller là-bas. Ça vous fait peur les hôpitaux ou pas d'habitude? Non, madame étant infirmière, ça devrait aller. Ah, vous allez l'emmener en sortie au travail alors? Exactement. Ben, ça va lui faire plaisir. Ben, ouais. David, je vous envoie ces 4 entrées, vous allez avec madame, vous emmènerez qui d'autre? Les deux enfants. Ah bah c'est très bien. En disant si vous êtes pas sage, vous restez là. Regardez, des instruments de torture. Comment ils s'appellent, ouais, les enfants? Augustin et Adèle. Eh ben on leur souhaite une très très bonne soirée et bonne visite donc de l'hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines. Bonne soirée à vous. Au revoir David. Au revoir. Et on remet ça bien sûr demain dans le 5 à 7 encore avec le beau vélo de Ravel. Dernière étape d'ailleurs du beau vélo de Ravel, c'est ce dimanche, ce sera à Bruxelles, journée sans voiture. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour le fêter correctement cette saison du beau vélo de Ravel. On remercie aussi 365.be, le site internet où vous retrouvez toutes les infos et toutes les idées de sorties touristiques, les musées à Wallonie, en Wallonie à Bruxelles, et notre partenaire également, le Ciné Télé Revue. Il est 18h46. Il fait chaud. J'adore cette chanson. il est génial. Patrick Sébastien, chanson d'actualité forcément avec la température aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire du sport quand il fait chaud comme ça? On s'est déjà posé la question quelques fois. Il y avait entre autres des matchs de Pro League qui s'étaient déroulés dernièrement par des grosses chaleurs. L'arbitre décide de couper la mi-temps en deux. Donc on a quatre périodes de jeu en réalité pour que justement les sportifs puissent se rafraîchir un petit peu. Mais quand on est chez soi, qu'on fait son petit jogging tous les jours, est-ce qu'on peut faire du sport quand il fait chaud comme ça? On va voir ça avec Bruno Berriot qui est coach sportif. Vous avez, enfin, c'est votre métier, vous êtes le créateur de Body Concept Training. Bonsoir Bruno. Oui, salut Cyril. Vous n'êtes pas tout en chômage technique quand il fait chaud comme aujourd'hui? Là, écoutez, pour rien vous cacher, je suis au bord de ma piscine avec un petit rosé. Non, c'est une blague, c'est une blague. Ça pourrait. C'est une blague, ça pourrait, mais non. Donc, c'est une excellente question que vous posez par rapport à ça. C'est vrai que là, on n'en peut plus, hein. C'est caniculaire carrément. Ouais, on n'a pas envie de se plaindre parce qu'on se dit on n'a pas eu un été de dingue non plus. Mais quand même, quand il fait chaud comme aujourd'hui, on essaie de trouver des endroits frais. Voilà, trouver des endroits frais. Et puis si on a envie de bouger, eh bien il faut trouver le bon moment. Donc il y a deux choses qui sont à prendre en considération. C'est la chaleur et puis c'est la pollution de l'air. D'accord. Deux critères vraiment importants pour la santé. Alors au niveau de la chaleur, il y a vraiment un point d'attention sur lequel je veux préciser. Que courir en pleine chaleur ne fait pas fondre la graisse. Vous savez, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils suent, on transpire en plus, ouais. Mais on perd de l'eau en fait quand on transpire. Exactement, exactement. Et il faut se dire une chose, c'est que faire de l'activité, faire du sport sous une telle chaleur, c'est de toute façon nuisible pour la santé. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il faut bien choisir. D'ailleurs, il y a des sportifs professionnels, si on prend le Tour de France, par exemple, qui arrivent et qui ont des malaises à l'arrivée parce que c'est trop dur et c'est pas bon pour la santé. Si on prend, il faut bien choisir son moment de la journée. Donc, choisissez une activité très tôt le matin ou plutôt vraiment en fin de journée. D'accord. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pensez à mettre des vêtements plutôt clairs. Hein, si vous mettez un t-shirt noir au soleil et un t-shirt blanc, je vous assure que vous laissez une heure. On sentira la différence. Vous allez sentir la différence, oui, tout à fait. Cheveux ou pas de cheveux, en ce qui me concerne, je n'en ai plus. Mais même si vous en avez, Cyril, mettez une casquette. Quand il y a des températures comme ça, quand le soleil cogne, il faut mettre une casquette. Il faut éviter l'insolation, c'est ça? Tout à fait, parce que ça chauffe très très fort sur la tête. Pensez donc à porter une casquette. Attention, les sportifs qui sont asthmatiques, l'asthmatique est plus vulnérable quand il fait des températures de cet ordre parce que l'air chaud qu'il respire va agresser les bronches. D'accord, et en plus il y a la pollution qui s'ajoute à tout ça. Exactement, donc l'ozone, c'est vrai que l'exposition à l'ozone peut apporter des irritations des yeux, du nez, de la gorge, jusqu'à même générer des nausées, voire des maux de tête. Donc, ça fait peur votre truc. Bruno, le plus simple c'est pas de ne pas faire de sport? Non, pas du tout, parce que c'est génial, hein, c'est génial, parce que là vous enchaînez sur ce que je voulais dire, donc c'est fantastique, Cyril, j'adore travailler avec vous. En fait, c'est vrai qu'il faut savoir que les sujets les plus à risque restent tout de même les usagers de voitures ou de bus. Ah bon? Parce que les polluants sont retrouvés en plus forte concentration dans les voitures ou les bus plutôt que sur les couloirs des pistes cyclables ou les trottoirs. Donc, et puis, vous savez, je vais prendre l'exemple du jogger. Le jogger, il peut s'éloigner du trafic, il peut choisir son moment pour courir beaucoup plus facilement. Donc non, j'encourage vraiment les gens à faire du sport, même quand il fait chaud comme ça, mais trouver juste la bonne période, et le bon équipement. Et il y a un sport en particulier qu'on peut faire ou pas? Il y a quelque chose qui est déconseillé? Tous les sports qui demandent énormément physiquement, donc qui sont très demandeurs, tels que le tennis par exemple, en plein soleil, c'est vrai que le tennis c'est un sport qui demande beaucoup de puissance, et donc tous ces sports violents, oui, c'est déconseillé. Par contre, un sport qui est génial par cet été, vous voyez, lapsus, hein, par ce soleil, ouais. Eh bien c'est nager. La natation par ces temps-ci, c'est fabuleux, quoi. Ah ça, c'est sûr que ça fait du bien, même si on transpire quand même quand on est dans l'eau. C'est certainement. Ça sent l'expérience vécue, ça, Cyril. Non, mais c'est que souvent, on se dit, on va aller dans l'eau, on se rafraîchit, tout ça. Mais quand il fait super chaud, on continue à transpirer, même si on est dans l'eau, on s'en rend pas compte, évidemment. Je pense aussi aux gens qui sont un peu nareux, et j'en fais partie, en se disant, quand il fait super chaud, la piscine, c'est peut-être pas le truc le plus propre. Allez. Oui, c'est vrai. Même s'il y a tous les produits dedans. Oui, mais... oui c'est vrai. Parce que vu comme ça. On irait peut-être pas se frotter à des gens qui transpirent, vous voyez ce que je veux dire ? Alors là, ouais, dans la piscine, bah, on est tous dedans. Quoi. On s'échange ouais. notre sueur. Mais alors, c'est un concept, c'est sympa. Peur, si je vous ai fait peur avec mon truc, vous me faites peur avec la piscine. Hein. Non, mais on peut se baigner sans crainte. Il y a des produits, il n'y a pas de souci. Mais merci beaucoup, Bruno, d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Je vous laisse au bord de votre piscine avec votre rosée, alors. Oui, un chin-chin, Cyril, à bientôt. Belle soirée. 18h52, il est l'heure de retrouver le best-of des enfants de cœur. Tous les soirs, on s'arrête sur les meilleurs moments de l'émission du dimanche. Et alors, vous êtes nombreux à envoyer des messages parce que vous voulez participer à l'émission. Évidemment, c'est possible, vous pouvez le faire. Il suffit de vous inscrire pour ça. Vous allez sur viacité.be. C'est là que, sur la page des enfants de cœur, vous retrouvez les dates des enregistrements. Et toutes les deux semaines, vous pourrez aller vous marrer avec tous les enfants de cœur. Donc, viacité.be pour retrouver toutes les infos. Et là, tout de suite, on écoute Jean-Michel de Bénezet. Les enfants de cœur. Ouais ! Je m'appelle Jean-Michel. Je suis comme la nature m'a fait. Elle a dû te faire enfin de moi. Qui... Ça va, jeune homme ? Vous êtes guitariste. Moi, devant un professeur de guitare, une fois, j'ai voulu jouer Jeux interdits. Il m'a arrêté, il m'a dit « Je vous interdis de jouer ». Je suis encore passé à côté de quelque chose dans ma vie, en fait. Non, c'est parce qu'on nous parle tout le temps à la TV pour le moment. Là. On n'entend que ça, là, avec les élections américaines, avec l'autre qui a un autre fast-food, là, Donald Trump. Oui, attention, c'est un innocent, hein, l'homme, on le sait bien, mais faut quand même le comprendre parce qu'on peut se la péter quand on est président quand même. Dis, si on avait dit aux gamins à l'Obama, là, un jour tu vas habiter la Maison Blanche, ils n'auraient jamais cru, hein, l'homme. Attention, moi j'aurais été lui rien que pour m'amuser. Hein. Je l'aurais fait repeindre en noir. Rien que pour les embêter. Mais il n'a pas osé. Attention, hein. Il y a un truc qu'il faut reconnaître, c'est pas évident parce que c'est pas un boulot à vie. Hein. À un moment, on te fout dehors. Hein. Tu peux plus rester, on te dit, vas-y, vous. Hein. Et attention, tu perds tout, hein. Tu ne perds pas que le boulot. Hein. Tu perds la voiture, la maison, l'avion. Tu es avec deux valises sur le seuil comme avant. Hein. Et moi, je pense aux gosses, moi, parce que pendant qu'il était président, là, l'autre. Ben, les gosses à l'école, on leur foutait une paix royale, évidemment. Sinon, ils disaient, attention, je vais le dire à mon papa, il est président des États-Unis. Hein. Oui, mais quand il n'est plus président, ils vont morfler, hein, les gosses à l'école. Ils vont payer. Hein. Moi, je vois bien, je comprends fort bien cet homme-là, hein, parce que moi, pendant un an, j'ai été président du comité d'organisation du tournoi de belote à Bénezet. Eh bien, il y a même des gens qui me disaient « vous ». Maintenant, ils ne me disent plus « vous ». Ils me disent même plus « tu ». Ils ne me disent plus rien du tout, d'ailleurs. Mais enfin, je le comprends bien, parce que à Washington ou à Bénezet, là, il a quand même tout dit que ça quoi qu'il ne va pas. Retour des enfants de cœur demain dans le 5 à 7 sur Vivacité, 18h55. Pour terminer cette émission, on va parler de chats, les matous. C'est mignon les matous, n'est-ce pas Guillaume ? Guillaume. Oui, pardon. Les matous. Ah oui, les chats. Vous aimez les chats, vous, Cyril ? Ah, j'aime bien les chats. Ah ben moi aussi. J'aime bien les chats, j'aime bien les chiens, j'aime bien les animaux. Eh bien écoutez, je vais vous donner une info. On peut retrouver ça dans le site de Métro. Et en fait, c'est à Londres, dans une station de métro londonienne. Donc ce sont des anti-publicitaires. Donc vous, je ne sais pas si vous connaissez hein, le concept, c'est d'être. Les gens qui n'aiment pas la pub, quoi. Ils n'aiment pas la pub. Mais ils n'aiment pas la pub à la télé, ils n'aiment pas la pub non plus sur dans panneaux le métro. Publicitaires. Eh bien vous savez qu'ils se sont cotisés. Ça a pris quand même des mois. Mais pour qu'il n'y ait aucune, dans la plus petite station londonienne, plus aucune publicité, donc plus aucun panneau publicitaire. Et à la place, je vous le donne en mille, ils ont remplacé ça par quoi ? Si on parle de chats, des chats, des photos de chats. Et des photos de chats. Donc il y a surtout dans toute la station des photos de chats, donc aux escalators. Alors on peut voir plein d'images assez cocasses, hein, par exemple d'un chien qui regarde les chats comme si, voilà, comme s'ils étaient juste à côté, des personnes qui regardent, qui font même des selfies. Et alors il faut se dire aussi que ça a pris, enfin ça a coûté assez cher. Mais oui, mais c'est ça, parce qu'acheter tous les panneaux publicitaires d'une station de métro, ça doit être un budget. Ben c'est un budget, oui, c'est un budget. Alors c'est pour ça qu'ils ont pris la plus petite. Mais c'est quand même énorme, parce que si vous allez sur le site, vous allez voir que c'est vraiment partout.